Peak Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? Alors oui, c'est les Peak Avengers, comme toujours le jeudi soir, et là... Au début, on avait prévu un petit truc, vu que Thierry s'était mis à côté du chauffage, comme toujours. Comme toujours, j'allais dire. Bah, non, je suis un peu médisant. Non, mais en fait, je viens de découvrir qu'il y avait un radiateur en dessous du numéro de téléphone. Là. Mais comme souvent, la porte est ouverte, je n'avais pas remarqué. Et je me suis dit, bah, tiens, à chaque pause musicale, là, je vais aller me chauffer un peu le dos. Là. Non, mais de toute façon, c'est la place des cancres, hein, c'est bien connu. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que Thierry va, c'est ça. D'un sport. Et un jour, on utilisera le radiateur pour faire un barbecue, évidemment. T'as déjà essayé de faire ça? Non, mais je sais pas. Après, on peut tu donnes des idées. Avec ouais, c'est ça. La raclette. Ouais, oui, on était en train de parler de raclette avant. Tu mets là une baguette par terre, là, puis tu fais couler la raclette. La vraie raclette où tu racles le fromage, en effet. Mm. Bah, et pourquoi pas. Bah, ouais, complètement. Donc, oui, donc, ce soir, il y a Thierry, il y a Daniel aussi qui est là. Bah, oui, comme d'habitude, j'ai vu de la lumière, je suis venu. Puis on m'a parlé de raclette, alors je suis venu aussi. Hein, ah bah, forcément. Ouais. Donc on parle de bouffe, ça t'attire. Bah ouais, les mouches c'est la lumière, enfin les moustiques je sais plus. Et bah moi c'est la raclette. Hein. Ah faut ouais. dire que ça, c'est bon la raclette. Ah, c'est oui. bon. La raclette ça attire les mouches aussi. Oui pareil aussi. On a Lisa aussi qui est là. Oui bonsoir. Et donc bah ce soir on a une petite émission un peu spéciale vu que bon vous en avez parlé la semaine dernière à la fin de notre émission manga et qu'on avait un petit cadeau. Et bah un petit cadeau de Noël, un petit peu en avance quand même. Bah ouais, oui mais juste, ouais. On va dire juste très légèrement en avance quand même. Bah en fait on n'avait pas le choix, on pouvait le faire que maintenant notre cadeau de Noël. Hein. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas faux Daniel. Ouais, complètement ouais. Donc oui, donc ce soir émission impossible ou... En fait je sais même pas comment décrire ce qu'on va faire. Bah c'est un truc impossible. Mais même en le disant juste je sais pas. Ça va tellement être un bordel, mais un bordel Pika Avenger made in Pika. Ça dépend ouais. comment tu écris le 1 devant possible hein. Bah, complètement, oui. Ah, c'est si vrai. Si tu le détaches, c'est vrai que impossible, vu comme ça, 2 possibles, 3. 3 possibles, ouais. etc. Tu parlais de cadeaux. Oui. C'est vrai que c'est la période des cadeaux. Oui, pareil. Alors, on en a prévu un. Oula. Ouais. Tu te rappelles, Lisa, le premier jour que t'es venue, on t'a fait jurer sur la table de mixage. Oui, je me rappelle. Mais comme on est des gentils garçons, on t'a prévu un petit cadeau que tu vas déballer en direct. Ah, c'est très gentil, dis donc. Le cadeau, le cadeau. Noël, voilà. Alors c'est un emballage, Madine, Daniel, et voilà. Mais vous n'avez pas vu l'apéro qu'on s'est tapé avant. Oui, ils sont très gentils avec moi. Voilà, voilà. Quand on a besoin, il faut savoir être gentil. Mais t'as besoin de quoi, Thierry? Ouais. Déchire le papier, hein, t'embête pas, hein, déchire le papier. Hein. Attends, c'est bien fait, moi je... Prends pas deux heures, c'est toute l'émission. Oui. Sinon, elle va être obligée de tirer quatre, hein. Hein oh une boîte. Une boîte en carton. Tu sais que ça tous les prix montent donc même le carton ça coûte cher maintenant. Oui. Oh, ouais. Non mais on récupère après pour refaire d'autres emballages. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah une surprise. Attends comment quelque chose. Bah, comment s'ouvre un bon. Comment s'ouvre un carton demande oui. la stagiaire. Oui oui. Écoute, ah, faut enlever le scotch aussi. Ah, bah autrement, tu peux peut-être, oui, avec un peu de chance. A-t-on un stylo, une clé, quelque chose pour couper le scotch? Mais mange, oh, mange. Sinon, je vais le faire allez, à la bourrine. Hein. Mange voilà. l'emballage. Voilà, on t'expliquera après ce que c'est. Ah, d'accord. Voilà. Bah, vas-y, tu peux sortir. Il est pas fragile. Hein. Enfin, à moins que tu sois une. Alors, dedans, il y a un sac truc. Vert avec un papier journal. Voilà. Encore un camouflage. Ouais, camouflé. Et il ouais, y a... Alors, il y a quelque chose. Qu'est-ce que oui. c'est? Un petit quelque chose. Un petit quelque chose, oui. Un petit truc. Un objet. Symbolique. Voilà. C'est... les pattes d'un non, lama. Non, non, non. Enfin, ça dans ce sens-là. Ah oui, génial. Ah oui, c'est... Bah, c'est... C'est Pika. Oui, c'est Pika. Ah bah oui. C'est le haut de Pika. D'accord, voilà. Oui, c'est ses oreilles. Avec c'est ses oreilles. D'accord. Ah bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, en fait... Tu as même dans les mains le début d'une histoire qu'on va lancer d'ici la fin de la saison. Ah, avec... Alors, on va quand même essayer de le montrer un petit peu, oui. là. Hein, voilà, comme ça. Hein. Non, mais ouais. autrement, je te rappelle qu'il y a une caméra en face de toi et oui, qu'on te là, voit. Voilà. Mais là, est-ce qu'on voit suffisamment? Oui. Oui, on voit suffisamment. Voilà. Donc, voilà. Ah. Alors, il y a même un temps une signature. Oui, parce que ça a été fait artisanalement. C'est S3D ou oui. Non, je lis mal. Si, c'est d'accord. Ça. Sensei 3D. Voilà, c'est ça. Ah, c'est Kevin. Non, non, c'est celui-là qui avait fait les... Bah alors, si c'est moi, je suis pas au courant. Je me trompe. Non, mais c'est parce que c'était un nom japonais, tu sais, donc je l'ai lié. Ouais. Donc, alors, dès que c'est japonais, c'est moi. Oui, c'est ça. Voilà. Le fait que ça soit doré, il y a une raison qu'on vous expliquera un peu plus tard dans la saison. Parce qu'on va lancer quelque chose en rapport avec ça. Donc, tu as le proto, la première main. La première récompense, comme on a fait le premier César un jour. Voilà. Mais écoute, je reviendrai peut-être lors d'une émission comme ça. Je crois de mémoire qu'elle est prévue en avril. D'accord. Mars ou avril, je crois. Hein, tu pourras revenir avec. Hein. Possiblement, Daniel. Ouais, je crois. Et le pika étant doré, voilà. Ce sera les pika d'or. Complètement, c'est ça. Donc, on va lancer ça. Maintenant, ça y est, c'est dit. Alors, évidemment, ça va être à la sauce Peak Avenger. Oui, évidemment. Hein, comme toujours. Complètement. La stagiaire en or, qui désormais n'est plus stagiaire. Oui. Jusqu'à demain, je suis chez stagiaire. Chez nous, elle va plus y être. Hein, oui, dans le groupe. Voilà. Ce soir, c'est ma dernière. Lâchez-vous. Bisous à Japon. Non, mais un bisou à gentil. Ouais, bah comme, oui. Comme d'hab, tu me connais. On le connaît, le Thierry. Ouais. Bah après, c'est plein d'émotions. Ouais, parce que là vraiment on est ému, franchement. Ouais. Moi je m'y attendais pas. Hein. Ouais, je crois que je vais retourner me coller au radiateur pour sécher mes larmes. Oui, parce qu'il faut dire quand même qu'avant ils m'ont prévu un petit goûter, un petit apéro avec des petits biscuits apéritifs. Pas d'alcool, on vous rassure, mais des jus de fruits, etc. On t'a pas dit ce qu'il y avait dans les jus de fruits. De toute façon, Lisa, l'alcool c'est toujours avec modération. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Par contre, il y a une chose qu'on peut consommer sans modération, c'est la musique. Absolument. Avec Julia Westlin, c'est ça? Oui, Westlin, oui. Wake Up. C'est pour Wake Up qui veut dire réveille-toi. Ouais, j'allais le dire, Thierry, si tu veux tout savoir. Bouge ton cul pour aller jusqu'au radiateur. Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que tu auras un peu de temps, Thierry, pour y aller. Et on se retrouve juste après. Far away from home, hear the echoes in the Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Oui, donc sur Indestar, bah, jusqu'à 23h à peu près, comme toujours. Enfin, 23h, on est plus près de 23h15 assez régulièrement quand même. Ouais, mais là on va essayer de pas terminer trop tard, vu qu'on a commencé un apéro, faut qu'on le finisse. Hein. Ouais, quand même, c'est important l'apéro. Voilà. Oui, bon, on le dira jamais assez. Voilà, c'est un apéro de jus de fruits, on le rappelle, on est quand même sur un lieu de... où on peut pas... Voilà. On est sage. Voilà, on est sage. Mais le raisin, c'est du jus de fruits. Bah complètement. Ouais. Merci Thierry. Ouais. Donc oui, donc ce soir, émission impossible, et vu qu'on a décidé que c'était impossible, c'est Lisa qui va commencer à nous parler d'un petit truc. Oui, alors moi, j'ai eu un peu de temps, un peu de difficulté au démarrage, parce que j'avais vraiment pas d'idée au départ. C'est, et puis, c'est, en fait, c'est un vieux diesel. Là, oui, voilà. Faut mettre le starter. Et puis quand ça part, ouais, ça part, parce que je me suis dit, tiens, impossible n'est pas français. Ah, hein, ah il paraît. Ouais. Hein, hein. Alors, surtout si tu le prononces impossible. Alors du coup, je me suis posé la question, enfin en faisant des recherches, et j'ai trouvé que c'était une expression, figurez-vous. C'était une citation prêtée à Napoléon Ier, et il y aurait au moins 3 témoins directs qui attestent que Napoléon Ier aurait prononcé cette expression, cette fameuse expression. Ils peuvent nous appeler au 0970 407 306. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'ils sont un petit peu décédés, ou alors c'est des morts vivants, je sais pas. Un petit peu, juste un petit peu. Ouais, juste légèrement. Peut-être un doigt peut encore composer le numéro. Oui, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et avec un peu de chance, une oreille peut écouter et une langue peut parler. Alors il y a 3 périodes distinctes, mais je vais commencer par la première. Alors apparemment, la première fois qu'il aurait cité cette expression, c'était en novembre 1808, et Napoléon est alors en route pour conquérir Madrid lors de la guerre d'Espagne. Et malheureusement, son armée se trouve bloquée au pied d'un étroit col par des Espagnols et des tireurs embusqués. On a été mal là, la France. Hein. Ah là, oui. Et après, bah, l'empereur, du coup, il décide d'envoyer un escadron de corps d'armée moins équipé et plus légère, ça je l'ai apprise, les chevaux légers polonais. Moi, je ne connaissais pas, mais bon. Donc, ouais, tu le fais bien pour prendre les Espagnols et pour pas qu'on se fasse avoir. Oh, les mains, peau de lapin. Ma maîtresse en maillot de bain. Et alors là, c'est le lieutenant, ils lui disent « Non, mais Napoléon, c'est impossible ton truc. » Et Napoléon leur répond alors « Comment impossible ? Bah, je ne connais point ce mot-là, moi. Il ne doit y avoir pour mes Polonais rien d'impossible. » Et voilà, et la France a gagné, mais au prix de lourdes pertes. Sacré Napo. Ils ont perdu beaucoup de lapins ce jour-là, en fait. Hein. Ouais, on a réussi à prendre le col, mais bon, il y a eu beaucoup de morts, quoi. Alors ensuite, cette expression impériale, elle fait aussi florès, elle a beaucoup de succès, puisqu'elle circule dans l'armée, puis arrive jusqu'à la cour. Et plus tard, donc alors que Fouché indique à l'empereur qu'il est impossible de convaincre le tsar Alexandre Ier de chasser les émigrés français de la Russie, Napoléon lui resserre la même expression. Impossible n'est pas français. Et Fouché lui répond : En effet, j'aurais dû me rappeler que votre majesté nous a appris que le mot impossible n'est pas français. Waouh. Marrant. Hein. Je savais que Napoléon avait inventé plein de choses, mais là. Et enfin. Même là. Et il écrit ensuite en juillet 1813 au général Lemarois, commandant la ville de Magdebourg, qui jugeait impossible de tenir la cité face à l'ennemi. C'est impossible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français. Voilà. Voilà pour la troisième citation. Thierry D'accord. avait raison, c'est impossible, c'est pas français. C'est ça. Voilà, et par la suite, l'expression a été popularisée par Balzac, qui publie en 1838 « Maximes et pensées de Napoléon ». Waouh. Ah, je trouvais ça intéressant. Hein. Merci Balzac, parce que sans lui non plus. Ouais, non, mais c'était intéressant, parce que c'est vrai qu'on utilise souvent des choses... Des expressions. Ouais, ouais. Et alors juste deux petites choses pour terminer, parce qu'on retrouve cette expression. Alors moi je connais pas, parce que j'ai pas trop connu la carrière de Sheila, sauf ses plus grands hits, ses plus grands succès. Mais donc apparemment c'est une chanson de Sheila qui date de 1967. Alors je sais pas si vous la connaissez. Ça me dit rien celle-là. Ben Sheila, elle en a tellement fait. Et ben écoute, elle a fait une chanson qui s'intitule Impossible n'est pas français apparemment. D'accord. Ah ouais, bon. Et voilà, et j'ai trouvé aussi que c'était une émission de Guy Lux et de Pierre Sabag qui était diffusée du 15 juillet au 10 septembre 1967 sur la première chaîne de l'ORTF 6, 7 et 8. Non, pardon, de l'ORTF. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait peut-être qu'une chaîne. Bah oui, je crois que l'ORTF, c'était pas... Ah, peut-être 60... C'est... Ah, il y avait peut-être la deuxième. Je sais alors, pas, Antenne 2, oui. Quand est-ce que c'est... Il y avait peut-être la deuxième chaîne, oui, peut-être. Voilà, et donc du coup, j'ai regardé un peu la vidéo de Lina sur cette émission, et c'était sympa parce que ça parlait la première fois qu'ils essayaient de... monter une émission apparemment en direct, en vidéo, alliant la vidéo et la radio. C'était sympa. Ah ouais? Ouais. Donc Impossible pas. N'était pas foncé encore. C'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Voilà, il voulait vraiment mettre en place une émission novatrice là-dessus et au niveau de la technique. Ouais. Oui, bah là, oui, ça y est. Bah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, oui. Mmh. C'est ça. Ça fait penser à une autre maxime qui est incroyable, mais vraie. Oui, c'est vrai. Ouais, était-ce foncé? Mais là, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, le jour où on fera l'émission incroyable, on te demandera de nous trouver l'origine. On le saura peut-être. Voilà. Mais allons nous faire une émission incroyable. En tout cas, en t'entendant parler sur les expressions, je me dis que je pourrais vous faire quelque chose sur les expressions étrangères assez amusantes, assez particulières, et peut-être s'interroger sur l'origine. Hein, parce que c'est vrai qu'on apprend parfois aussi des maximes par cœur, comme ça que tu ressens, mais tu connais pas d'où ça vient. Hein, c'est peut-être intéressant de savoir d'où ça vient. Oui, c'est vrai. Ouais. Surtout qu'en général, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai que oui, c'est intéressant souvent. C'est pas con. Par contre, vas-y, par contre, vous êtes servi sur les cons. D'ailleurs, si quelqu'un veut me donner son nom, j'ai un répertoire à cons, il est encore vide. Hein. Alors, il me faut le nom, le prénom. Alors, on va mettre quelques observations histoire de vous reconnaître et puis la photo. Ah, voilà. La photo est importante, oui. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur indestar.fr sur le Facebook, voilà, m'envoyer votre photo et puis et question, on va s'arranger. Si on se rappelle plus de notre nom, on fait comment? Il fallait l'écrire avant. Quand on a peur de perdre quelque chose, si ça peut s'écrire, tu y vas. D'accord. Bon, tu grappes dans la roche. Bon bah alors j'ai oublié. Ouais. Ah ouais. Ok. Oui, Daniel. Okay. Oui, bah, je ferai la suite tout à l'heure. D'accord, tu nous feras la suite tout à l'heure. La suite au prochain numéro. Ouais, alors. N'est-ce pas, ouais. Et bah, on va voir Janelle Garcia. Alors, il écrit quoi? Torn cover. Torn. C'est Torn, c'est une cover. Torn, c'est Nathalie Imbruglia, son oui, son c'était titre, aussi. Torn, mais... hein, ah ouais. Qui veut dire déchirer de larmes ou des choses comme ça. Il y a un monsieur. Et en tout cas, bah, c'est sur Indestar. I saw a man brought to life. He was warm, he came around, and he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man that I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. But I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. You should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I had no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect. has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold, denying shame. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Oui, donc sur Indestar, pour l'émission Impossible, on a eu la première partie de Impossible n'est pas français avec Lisa. Oui. Je vous ai beaucoup instruit. Hein. Ouais. Maintenant, on sait que Impossible n'est pas français. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, Daniel, tu nous as préparé un petit truc un peu... Ah bah oui, ouais, un peu... Encore un peu... Un peu impossible, un peu... Alors, un peu bizarre. C'est un peu un fantasme pour certains. Ouais. Hein, James Bond, bon, c'est un héros très connu, célèbre. Et non. Bah. Oui. Juste hein. Un peu connu, on va dire. Ouais, un petit peu, oui. Eh bien, imaginez-vous que James Bond, ce soir, avec les Peak Avengers, va se transformer en Jane Bond. Voilà. Hein, je reste sans voix. Alors, oui, c'est un fantasme que certains ont. Hein. Alors, je suppose que Jane Bond est une parodie. Hein. Enfin, moi, je pense. Peut-être que des gens l'ont fait avant, mais nous, les Peak Avengers, on ne l'a pas fait. Alors, sachant que James Bond est un héros de Ian Fleming. Celui qui a inventé la pénicilline. Non, je crois que c'est son cousin, son neveu, son oncle, j'en sais rien. Mais... Non, c'est Alexander Fleming, oui, je crois oui. Que c'est inventé. Mais il voilà, n'y a c'est... pas des femmes espions. Si, il y a eu des femmes espions dans, les... dans l'histoire. Les femmes, c'est toujours espions dans une soirée, non? Il y en a eu beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Bah, il y a déjà eu Mata Hari dans à la première. Hein. Alors, moi, je me suis dit que c'est... Sachant que James Bond était un héros de Ian Fleming, peut-être que c'est Yana Fleming qui a écrit Jane Bond. Hein. Voilà. Vous savez quel acteur ont joué les rôles de James Bond? Daniel Craig. Ouais, par exemple. Pierce Brosnan. Et celui ouais. Qui est en kilt, là, qui est vachement connu, mais... Sean Connery. Ouais, ouais. Bah, pourtant, oui, comme je dis toujours, il y avait écrit Connery, mais... Les nobles, un oubli. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, puis il a été en kilt, hein, et ouais. Il a pas démordu, et il a fait prier la reine. Il y en a qui ont fini en kilt aussi, mais... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est des cons, non? Ah, il y en a un qui a... Tu dis qu'il a fait plier la reine, il y en a un qui a fait voler la reine, parce qu'il y a une fameuse scène de la reine d'Angleterre qu'on nous fait croire qui s'envole de l'avion de James Bond. En fait, il y en a qui ont cru que la reine d'Angleterre est vraiment sautée. Ah, d'accord. Mais je ne sais plus lequel. Bon, enfin, c'est quelques-uns. Mais je vais commencer par vous poser une question. À votre avis, quelle actrice, on va dire célèbre quand même, pourrait, à votre avis, jouer le rôle de Jane Bond? Peut-être celles qui ont été aux côtés de James Bond, mais alors je ne connais pas les noms des James Bond girls qui ont été impressionnantes. Il y en a toujours eu une dans chaque film hein, qui il y en a au moins une, voire deux. Ouais, il y en a au moins une, oui. Ouais. Alors moi, j'ai pensé à plusieurs personnes. Alors, parmi mes préférés, il y a Angelina Jolie, alors peut-être par rapport à Tomb Raider, hein, ça c'est possible. Hein. Ça ouais, ou à Mrs. et Mr. Smith. Mr. et Mrs. Smith, ouais, ah ça, pardon. J'adore. On en parlera tout à l'heure pendant ah, le jeu, d'ailleurs. Ouais, bah, ouais, elle joue une espionne, là, quelque chose comme ça, non? Oui, il y a une histoire d'espionnage, ouais, oui, ouais. C'est ça, oui. Où, bah, je rappellerai, elle et puis son mari sont tous les deux espions, mais d'une agence concurrente. Ah voilà, oui. Voilà. Et puis ils font croire à l'autre. Ouais, je m'en voilà, qu'ils ont une petite vie normale. Voilà. Ça, c'est beau, ça, quand même. Alors, moi, je voyais bien Angelina Jolie. J'ai pensé à Mila Jovovich. Mais du coup, tu la vois plus brune que blonde ou... Bah, pas je vois les là-dessus. Deux parce qu'il y a une Française dans mon classement. Mais tu t'es basé sur quoi par rapport à leur rôle Non, à l'image que moi, je me fais de... Ah, d'accord. Voilà, oh, par rapport à leur jeu, à leur caractère. Leur charisme, ok, d'accord. Leur charisme qu'ils ont, le caractère qu'ils développent dans leur film, les rôles qu'ils ont joués. Ouais, alors je connais pas assez James Bond pour te répondre, moi. Ah bon, bah c'est l'espion haut de gamme, hein, au vol. Alors j'ai pensé aussi à Carrie Anne Moss qui est Trinity dans Matrix. Ah, ouais. Oui. Ouais. Mmh. Je verrais bien aussi Linda Hamilton qui fait Sarah Connor dans Terminator. Ah, mais elle doit être âgée maintenant, non? Non, non, mais c'est le principe qu'elle soit âgée ou pas, c'est pas grave. Il y a une actrice qui m'avait marqué, j'ai cherché son nom, c'est Grace Jones. La femme noire là qui, ah oui, elle est qui avait noire, un charisme très, grande, très costaud, oui. Dans GoldenEye. Ouais. GoldenEye, je crois, me rappeler. Et parmi les françaises qui ont joué James Bond Girl, il y a Sophie Marceau tout simplement, ou Carole Bouquet. Oui, c'est vrai. Alors par contre, moi je vais peut-être vous surprendre, mais je verrais bien Hélène de Fougerolles. Ah, parce qu'elle joue dans la série là avec le mec légiste là, non? Non, en fait, c'est pas pour ça. C'est à cause d'un film qu'elle a tourné, qui est un peu délirant, qui s'appelle Le Raid. Et là, je trouve qu'elle a une présence et un rôle. Bon, c'est un truc, c'est encore un film, tu laisses ton cerveau au début. Le Raid, c'est pas avec Danny Boone? Non, pas du tout. Non, ah, je confonds alors, ouais, non, parce que j'allais dire, elle joue c'est... pas dans. Avec Danny Boone, c'est Raid Dingue. Ah, voilà. Voilà. Ah oui, là, bah, Le Raid, je l'ai pas vu alors. Oui, là, Le Raid, c'est avec une bande de bras cassés, je sais plus qui il y a. Il y a Laurent Deutsch dedans. Et alors, il est marrant, ce film, il est bien. Ah, il est... ouais, c'est vraiment... D'accord. Tu laisses ton cerveau au départ, tu le reprends à la fin et tu te laisses porter par l'histoire. Ouais, c'est ça. Si t'emmènes ton cerveau, c'est mort, t'apprécieras pas le film. Non, ah, mais des fois, t'as des films, ils sont bien, ils sont pas... Ils sont cool, quoi. Les actrices qu'on jouait dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Ah, oui, il y a... C'est pas des actrices françaises. Hein. Non, c'est que je me disais, tiens, hein, peut-être que ouais. ce côté. Oui, il y en a qui pourraient y aller, oui. Ouais, ou alors drôle de dame, dans le même. Je verrais moins, je verrais plus celle de. Il y en a deux, trois de Chapeau Melon et Bottes de Cœur qui pourraient Je sais pas comment elle s'appelle, par contre. J'ai plus les noms en tête. Alors, j'ai le nom de. Alors, il y en a une, c'était Emma Peel, le nom du rôle. Il y avait Tara King. Ah, ben voilà, Tara, oui, d'accord. Qui n'a pas fait beaucoup d'épisodes et qui est une des plus célèbres en plus. Ça, c'est vraiment. Mais Diana Rigg. Diana Rigg, oui, c'était Emma Peel, elle, c'est ça. Oui. Ouais, elle serait bien dedans aussi, hein, enfin, de l'époque évidemment. Hein. Et tu verrais pas celle qui a joué, tu sais, qui avait un bandeau sur la tête là, rouge et en or là. Comment ça s'appelait cette nana là, tu sais, avec des bottes vachement hautes là, les couleurs c'était. Celle qui tournait sur elle-même. Ouais, avec un lasso. Oui, elle était totalement à l'américaine, là, le bandeau Stars and Stripes, Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Wonder Woman. Celle qui fait, c'est Gal Gadot actuellement, qui l'a fait la dernière fois. Possiblement. C'était pas aussi Diana Rigg qui a joué ce personnage. Peut-être oui. The Wonder Woman. Il semble. Peut-être. Oui, je peux regarder. Peut-être. Mais enfin, imaginez quand même. Là, c'est la phrase. Mon nom est Bond, James Bond, devenir. Mon nom est Bond, James Bond. Imaginez. Ça se trouve, elle aura une voix grave, ouais. Pas aussi aiguë. Bah, peut-être, oui, éventuellement, oui. Alors, il y a quand même aussi, il n'y a pas que le personnage, il y a aussi James Bond, il est commandeur dans la marine britannique. Alors, faut y trouver un rôle, faut y trouver un métier, faut y trouver quelque chose à notre jeune. Alors, commandeur, contrairement à la traduction française, ça correspond en fait à capitaine de frégate. Hein. D'accord. Mmh. Ouais. Alors, moi, personnellement, hein, je la verrais bien colonel dans l'aviation. Ouais. Pilote de chasse, d'hélicoptère, quelque chose comme ça. Mmh, oui, c'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Pourquoi pas ? Ouais. Ma petite précision, Linda Carter, j'ai connu Wonder Woman. Oui, c'est ça. Moi, c'est celle que j'ai connue. Il y en a eu plusieurs, mais c'est celle-là qui m'a marqué. 80, oui, dans les années 80, c'est Linda Carter, c'est vrai. C'est exact. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes qui manipulent des avions, enfin, qui sont aux manettes d'avion et tout ça. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, ouais. Et alors, et quelle, d'après vous, quelle particularité? Alors, par exemple, James Bond, on peut voir, il a quelque chose de vraiment très particulier. Il paraît que c'est une véritable calculette, c'est un ordinateur, dès qu'il s'agit de calculer. Alors, ouais. Dans ces films, on le voit... 3225 fois 36 moins 12 que divise 42 multiplié par 12,5. Paf, il te donne tout de suite le résultat. Hein ? Ce qui fait 3 Un certain plus résultat. Plus ou moins tout ça chose. Pour ça. C'est ça. Hey, donc tu imaginerais qu'elle aurait une autre particularité que calculer comme ça ? Oui, oui. Et t'as, t'as imaginé Moi, j'ai imaginé quelque chose, mais vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit pour caractériser notre... De changer de look à vitesse grand V. Ça serait pas de pouvoir mal, ça. S'échapper d'une situation, ouais. Et en fait elle sort dans le couloir et c'est un autre personnage tout cool, ah, oui. Même pas en sueur. Ah, faut que je note ça, ouais. Bah de toute façon, je réécouterai le podcast. Hein. Qu'elle lise dans les pensées. Oui, mais ça on le voit dans d'autres. Par contre, changer comme ça, c'est pas très courant. On le voit dans d'autres, mais on pourrait rajouter ça. Mais je réécouterai le podcast parce mais que... Mais non, c'est vraiment bien, où est-ce qu'il a... Je sais pas, Transform Mist. Ouais, mais... Ah, mais oui, tu sors dans le couloir, c'est une autre à personne. À la vitesse de l'éclair, c'est oui. C'est ça. Tu changes. Elle sort d'une scène de crime, où, voilà, et elle passe inaperçue dans le couloir, c'est la personne lambda. Voilà, elle est... C'est ça. Elle est sur la scène de crime en train de faire l'enquête, et elle ressort, je sais pas, déguisée en truc. Et elle peut passer, en fait, j'ai comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde aux deux faces d'un personnage, genre la criminelle et l'enquêtrice de l'autre côté. Ça peut être ça, ouais. Alors ça moi, peut, ouais. J'avais imaginé stratège déjanté. Alors pourquoi déjanté? Ben pour cause de Peak Avenger. Oui. Non, voilà. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Et je l'avais bien aussi. Inspecteur Gadget, inspectrice. Ah bah stratège, c'est une très grande qualité quand t'es stratège. Bah, hein. Ah oui, mais déjanté. Oui, après bah, qu'elle ait un grain de folie. Stratège déjanté. Ouais. Bah, elle a plus d'un tour dans son sac à main. Voilà. Donc déjanté pour toujours trouver quelque chose de vraiment pas normal dans les stratégies, hein. D'accord. Alors évidemment, on va y laisser quand même le côté séduction qu'a James Bond, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose... Bah, c'est la marque du personnage. Voilà, hein. on va... Là, je vais peut-être un peu copier, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est un peu obligé quand même. Alors, pour James Bond, par rapport aux James Bond Girls, c'est son côté faible. Ouais. De savoir qu'il se met en danger quand il est séduit, mais il y va quand même. Ouais. Tiens, tu parles de James Bond Girl. S'il y a des James Bond Girl... Va bien y avoir des Jane Bond Boy. Oui, pourquoi pas. Oui, bah, oui, bah pas. Oui. Ah, alors on mettrait qui au bras de Hélène de Fougerolles, Angelina Jolie ou Diana Rigg ou. Alors un séducteur, un cowboy. Ça ouais. Il peut y avoir plein de versions. Oui. Moi j'aime bien celui qui fait Deadpool. Ah, je le connais pas celui-là, je l'ai pas noté. Comment il s'appelle cet acteur? Je sais pas comment il s'appelle, mais il est très difficile à reconnaître. Il est très déluré. Il est très déluré. Je sais plus comment il s'appelle. Un Robert Downey Jr. Ah, ça serait pas mal, ouais. Ça irait bien avec, oui. Ça serait pas mal, en effet. Entre le côté un peu fun qu'il a et le côté très très séducteur qu'on peut voir dans chacun de ses films, ça passe totalement. Complètement, oui. Dans le côté transformé, je me disais, et s'il y avait un personnage qui réunissait les deux, c'est-à-dire qui pouvait être le James Bond et puis se transformer aussitôt après peut-être en Jane Bond et redevenir... Ça peut aussi, oui. Ouais. On sépare sans arrêt, alors on oppose féminin, masculin, et si un personnage renfermait tellement bien les deux... Ça sera étudié. Alors je vous expliquerai après, à la fin, pourquoi... Je vous fais passer cet oral. En fait, j'ai une idée derrière la tête. Bien, monsieur. Hein, voilà. C'est voilà. Et alors moi, bah, bon après, on peut avoir des classiques en Jane Bond Boy. Alors bon, les séducteurs comme Alain Delon, George Clooney, Robert Redford. Par contre, on peut aller aussi un peu côté mauvais garçon comme Johnny Depp. Ouais. Je sais pas pourquoi, je verrais bien Vincent Cassel. Ah ben Vincent Cassel, il est très bon, très bon dans les rôles sombres, il fait même peur. Bah oui, justement, dans les putain, je me bafouille à force. Du côté des filles, quand c'est le gars, hein, il y a des James Bond girls qui sont du côté vraiment très sombre. Et moi, j'ai trouvé qu'il irait très bien là-dedans, avec ce côté-là, quelqu'un comme lui. Il faut que ça soit un peu obscur, hein, faut oui. Et puis quelqu'un capable de passer d'un rôle à l'autre, je verrais bien aussi Samuel L. Jackson. Oui. Ouais. Ouais. Ça pourquoi pas, ouais. Ah oui, bah et puis il en a fait des choses lui-même. Ah bah là oui. Lui ouais. Vous savez que James Bond parle plusieurs langues. Oui. À votre avis, Jane Bond pourrait parler quoi? Anglais. Ouais. Déjà vu que bon c'est. Le Kurdistan. Le Kurdistanais alors. Ça peut être ça, oui. Alors, c'est très bien que tu tombes là-dessus parce qu'en fait, je me suis dit, on va changer de ce qui se passe. Alors, j'étais chercher une langue qui n'était pratiquement pas parlée. J'allais trouver une que j'allais peut-être pouvoir prononcer. J'aime bien le peut-être. Ouais, parce que je suis même pas sûr de la prononciation. Ça commence par un point d'interrogation et ça finit par Xo. Ah, le Xo. À tes souhaits. Oui, je connais c'est pas cette dialecte nom, mais... parlé par des Inuits, mais alors que les nuits pleines d'étoiles, des années bisextiles. Bon. Il y aurait que. Alors, en 2002, j'ai pas de chiffres depuis, il y avait environ 4200 locuteurs, comme on dit, on va parler bien. Hein, on va parler bien hein. Et alors, ce qui est quand même très particulier là-dedans, c'est que les linguistes sont même pas capables de se mettre d'accord sur le nombre de consonnes, de voyelles, d'intonations. Ça varie de 58 à 87 consonnes, jusqu'à de 20 à 31 voyelles, et de 2 à 4 intonations. D'accord. Alors moi, je l'avais bien parlé un truc complètement inutile. Hein, mais tu ça. Nous avais pas parlé de cet alphabet quand t'avais fait le sujet des îles, non ça Ah non, ça c'est autre chose, c'est les îles Hawaï. Les îles Hawaï, en fait, il n'y a que 12 lettres dans l'alphabet. C'est ah pour oui, ça voilà, qu'on d'accord. voit des mots à rallonge avec toujours les mêmes lettres. De toute façon, pour écrire Hawaï, t'as pas besoin de plus. Ouais, c'est ça. Non mais bon, faut que la langue de Jane Bond là soit compréhensible quand même, sinon... Ouais. Ouais, ouais. En même temps, il parle avec les armes dans... Ouais, ouais. D'ailleurs, je la verrais bien un petit peu artiste, contrairement à James Bond. Pourquoi alors, pas J'ai imaginé oui. un truc. Mais j'ai... alors, artiste, oui, dans quoi ben, je la verrais bien faire de la sculpture au sabre laser. Ah, c'est bien, oui, ça. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. C'est bien des gentils. Oui, pourquoi pas hein. Donc là, par contre... Surtout quand elle découpe ses victimes. Ouais, ouais. On parle pas souvent des origines de James Bond. Hein alors... Je vais peut-être vous apprendre. Son père, c'est un lord écossais. Ouais. Et sa mère est suisse. Mm-hmm. Bon mixte. Ouais. Elle alors moi, j'en ai fait un aussi. Elle vend des montres. C'est pour ça qu'il essaye d'être toujours à l'or, peut-être. Hein. Ça, c'est dans les choses très faisables, en effet. La c'est montre ça. De James Bond a son importance. Elle peine de gadgets. Ah, complètement, oui. Puis alors, James Bond, elle sera toujours en retard, du coup. Putain, j'ai encore oublié ma montre. Alors, un autre mélange. Ouais, un autre mélange. Moi, je m'en suis imaginé, hein. Je vous expliquerai après pourquoi. Non, bah, c'est vrai que je vous prends de court pour beaucoup de choses, bah, quand ouais, même. Je suis ouais, pas très sympa. Alors, ça va peut-être vous donner des idées. Moi, je suis parti du principe que si elle était pilote, je suis obligé de revoir mes notes parce que je sais plus ce que je raconte à force. Oui. Oui, pilote de chasse. Ouais. Pilote de chasse ou d'hélicoptère. Il y avait peut-être une origine de ce côté-là. Ouais. Alors, j'ai imaginé que sa mère était officier dans les Marines. Ouais. Et que son père bah, était, soyons chauvins un petit peu, chef cuisinier. Je vais mettre à Lyon, pas à Amboise. D'habitude, je mets à Amboise, mais bon, il y a plus de connaissances culinaires. Lyon est plus connu pour ses bonnes tables qu'Amboise. Hein. Ah, j'adore ton idée. On la verrait souvent manger des bons mets. Justement, ah, ouais. On va c'est en arriver ça. Là. Et boire du vin de lune. Et boire du vin de lune, oui. Ceux qui suivent l'émission maintenant savent ce que c'est le vin de lune. Oui. Hein, pour, j'espère, pour... Hein, parce que sinon je vais le rabâcher. Alors, c'est vrai que tout comme James Bond, un peu aimer les bonnes choses, mais... Elle va être un peu déjantée, elle va être, elle aime les bonnes choses, mais... Alors, moi, je la vois pas quand même... surtout qu'elle est rapide pour changer, voilà, là, cette capacité-là. Je la vois pas rester des heures à table. Non, mais c'est pas parce que tu restes des heures à table, mais tu peux manger des très bonnes choses, hein. Ouais, alors, je la verrais bien ouvrir un fast-food haut de gamme. Tu sais, un fast-food, t'as ah ton oui, burger. Haut de gamme, d'accord. Ouais, ouais, t'as ton burger. Oui, c'est vrai que ça se fait. Hein, ah, ça se fait, oui. Voilà, hein. Avec les frites, des patates que t'as achetées à 40 euros le kilo, parce que sinon les autres sont pas assez chers pour vendre ton cornet. Oui, et puis c'est haut de gamme, comme tu dis, donc voilà. Il faut que ça soit cher, quoi. Bah voilà, ouais. Alors peut-être que t'auras le cornet de frites qui sera recouvert de diamants, avec un liseré de diamants, j'en sais rien. On peut... Ah, mais tu tiens quelque chose là, je crois. Hein. Ou alors c'est haut de gamme parce que les patates sont tellement longues que c'est haut, quoi, tu vois. Ça peut être ça aussi, ouais. Ou était-ce aussi la gamme de musique, ça, on ne sait pas. Enfin. Moi, comme je suis un peu gourmand, je me suis dit qu'elle va craquer pour le chocolat et la pâtisserie. Très bien, ça me plaît. Ça. Ouais. T'as l'air gourmande. Ouais, voilà. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué. Là, c'est. Après, je vous expliquerai pourquoi. Où je veux en arriver. Ouais. Quelque chose qui m'a un petit peu amusé. Quand j'ai regardé l'histoire de James Bond, j'ai vu qu'il a été créé le 15 janvier 1952, bah, pour être précis, à 9h du matin, heure de la Jamaïque, donc 15h en France, enfin, Ian Fleming. C'est l'heure des essais nucléaires, non? C'est pas l'heure, c'est la date qui est un peu amusante quand même. Et dans sa propriété qui s'appelait GoldenEye d'ailleurs, donc d'où peut-être le titre d'un des films. Ah, c'est vrai alors ça, d'accord. Voilà, c'est ça. Œil en or, mot à voilà. Et finalement, jour pour jour, 70 ans et 11 mois après, à 21h43. Tu parles de James Bond. Ben non, on n'est pas 15 janvier. Les Peak Avengers viennent de créer Jane Bond, donc voilà. Oui. 70 ans et on aurait pu attendre le 15 janvier, mais le 15 janvier, en fait, il n'y avait pas d'émission de planifier, donc on a été obligé de la faire maintenant. Alors, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est que on est un peu fou dans les Peak Avengers. Oui, pareil. Un peu fêlé. Alors, j'ai envie de créer l'histoire de Jane Bond en web série. Hein ? Alors, je verrai bien, oui, espionnage, évidemment. J'ai même imaginé un début d'histoire dont on écrira le scénario. On essaiera de le faire ensemble ou de l'améliorer ensemble, on verra. On verra ça. Ouais. Voilà, Jane Bond est chargé d'infiltrer un réseau d'escrocs qui fait du trafic de photosynthèse. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien ça, parce que tu peux pas respirer. Hein, t'es obligé. Donc, elle a réussi à infiltrer le réseau et à l'aide d'un intermédiaire qui s'appelle Jean Racine. D'accord. Ah. Ça touche le fond. Ouais, et donc, elle doit rencontrer prochainement deux chefs de la mafia, Pierre Duchesne et Rose Lafleur. Alors, je passe une annonce, à moins que tu sois intéressée, Lisa. On va chercher notre Jane Bond. Mais attends, est-ce que ces deux meilleures copines ou ces deux animaux de compagnie sont deux plantes Je sais pas, c'est à voir là. Non, mais toutes les folies sont. Ou le canard du chêne. Ouais. C'est ça. Les grands îles roseaux. Ouais, voilà. Donc. Elle peut étouffer ses proies grâce à la. Ôtant la photosynthèse. Enfin, ou en faisant un micmac avec la photosynthèse, quoi. Non, mais ça, c'est les méchants qui peuvent faire ça. Hein. Elle les étouffe à la chlorophylle. Tu vas le manger, ta chlorophylle. Ah, mieux que les chewing-gums à la chlorophylle. Ah oui, il y a de l'idée, c'est pas mal déjà. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. La chloroforme et la chlorophylle. Ouais, la chloro c'est pour le forme et après tu mets d'abord en forme et après tu files, c'est ça. Hein, c'est comme à l'anglaise ou à la française. Ah ouais, mais c'est comme la laine. La laine c'est le contraire, tu files d'abord et tu mets en forme après, en tricotant. Ouais. Ah, laine et alien, attention. Ouais. Mais alors donc... t'enlèves totalement. Alors moi ce que j'aimais bien chez James Bond, c'est le côté flegmatique. Moi vraiment ça me j'aimais bien quoi, mais bon oui. Non mais pour l'instant je sais pas, ça c'est les grandes lignes après. Oui d'accord. Alors donc j'aimerais bien en faire une web série et voilà si. Alors on sait que les appels ça marche jamais, mais on sait jamais, on peut rêver, c'est Noël hein. Bah oui. Pareil, si vous habitez sur Amboise, que vous voulez nous rejoindre déjà pour faire de la radio. Déjà oui quoi. Hein, déjà intégrer une équipe extraordinaire. En toute impartialité, évidemment. Bah, bien sûr, hein, franchement. Super sympa. Je marquerai votre nom dans mon petit registre des cons. Oui, alors il faut faire preuve d'autodérision, hein, sinon. Ah, sinon, ouais, ça y est pas. Ouais, bon. Et intégrer la future web série à succès Jane Bond. Contactez-nous sur notre page Facebook, sur le site internet, n'importe. Sur le chat Twitch, au téléphone. Absolument. Avec un vieux tapis pour faire de la fumée. Voilà, essayez tout ce que vous voulez. Si vous connaissez l'alphabet... ça devrait aller. Voilà. Venez directement au studio. Eh ben, vous glissez-nous un mot sous la porte. Oui. Glissez-vous carrément vous sous la porte. la porte est... Moi déjà je passe pas dessous, peut-être qu'il y en a qui passent dessous. Et alors quand ils vont toucher le tapis, ils vont reculer. Oui, Daniel. Oui, ça y est, oui. J'ai fini mon moment de délire. C'est vrai que c'était un peu impossible à faire. T'as lancé des perches. Faut les saisir ou les pêcher, parce que des perches, ça se pêche aussi. Ouais, je vous ai pas tout dit ce que j'avais parce que y a des idées que je vous garde pour plus tard. Ah oui, faut jamais tout dire. Pour que ça mûrisse comme le bon vin. Absolument, oui. Qu'il faut consommer avec modération. Et qu'il faut consommer quand même. Voilà. Quand même avec modération. C'est dommage de jeter. Oui. Oui. Oui. Oui. On fait notre cuisine. Oui, toi, tu vas pas jeter la musique, c'est ça, ouais, voilà. Kevin. Non. Non, Alors, attendez, le temps déjà qu'il lise, parce que là, il y a un an à rallonge. Alors, vous avez le temps d'aller. Déjà, le temps que je lise, c'est déjà pas mal. Mais le temps que je voie, c'est encore pire. Donc, on va voir Florida,

Oui. Ah. Et donc il y a un groupe de jeunes qui habitent dans ma rue. Bon, jusque là tout va bien, mais ils sont rentrés ronds comme des queues de pelle en plein milieu de la nuit. Ah, et merde. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur voiture, mais figurez-vous qu'il y a une de leurs roues qui a plié. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est l'axe qui a plié, est-ce que la roue a plié. Mais alors bon, bah ça, je me dis peut-être ça peut arriver. Bon, je pense qu'ils ont dû avoir un accident puis ils sont revenus, mais comme ça a immobilisé la voiture dans ma rue, et ben en fait, alors moi j'entends, ça m'a réveillé à 2h30 du matin, et puis j'entends un gars un peu éméché qui dit à l'autre oh, mais je crois que ta voiture est foutue, ou je ne sais quoi. Bon, bref, moi je me dis, je descends pas, c'est bon, on va pas s'occuper toujours, ils sont entiers, machin truc. Et ben figurez-vous que ce matin, à 7h, j'entends des voisins discuter, machin. Bon, je me suis habillé à 7h30, je suis descendu, ils avaient laissé la voiture au milieu de la rue. C'est embêtant. Depuis 2h30 du mat, la voiture était au milieu de la route. Ah, ça devait bien bloquer. Et je me dis, mais attends, y a toujours des gens qui passent à un moment ou à un autre. Et ben la voiture est au milieu, ça veut dire que les gens qui ont emprunté la rue ont dû faire demi-tour, je ne sais trop quoi. Mais les flics n'ont pas été appelés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils sont allés se coucher, tout simplement. Oui, bah oui. Ronds comme des gueux de pelle, la voiture au milieu de la route. Et en fait, à 7h30, il y avait un gars qui était emmerdé parce qu'il était avec un camping-car, et je pense qu'il se disait, si je recule, je ne vais rien voir, etc. Donc là, ça pose des problèmes, ils ont dû appeler, machin. Mais en fait, la dépanneuse, j'ai vu la dépanneuse qu'à 9h. Ça veut dire que depuis 2h30 du matin, la voiture était au milieu. Et donc, les gens qui étaient garés à côté ne pouvaient pas sortir, ah oui, les gens qui voulaient passer aussi. Mais je me dis, quand même, j'ai dit, ok, moi je fais peut-être un peu trop attention à ce que je fais, mais de là à abandonner un véhicule au milieu de la chaussée comme ça, c'est quand même assez. Je trouve ça quand même assez gros. Mais bon, moi je suis pas allé voir de très très près, mais j'ai quand même regardé à quelques mètres et je me demande en fait comment est-ce que c'est possible. Quand j'ai vu la roue pliée à côté de son axe, comment on peut faire un truc pareil? Bon, je sais pas. Et les voitures qui étaient à côté n'avaient rien, donc l'accident doit venir d'ailleurs. Ou alors l'axe s'est plié tout seul, je sais pas ce qui est arrivé, mais assez extraordinaire. Hein. Oui, effectivement. Voilà. Tu m'étonnes là. Je me dis, oh les cons. Ah ouais, non, mais là, oui. Oh les cons quoi. Et oui, je me dis, ouais, alors après, est-ce qu'ils n'ont pas osé parce qu'ils étaient bourrés, ou est-ce qu'ils pouvaient carrément pas appeler parce qu'il t'arrive un truc en pleine nuit? Oui, peut-être que personne ne va se déplacer, mais enfin, il faut appeler les flics ou je ne sais quoi pour prévenir quoi. C'est dire, ma voiture est au milieu de la chaussée. Bah oui. Mais ils ont eu de la chance qu'il n'y a pas une dépanneuse qui soit venue et qui emporte la voiture. Et qu'il n'y ait pas eu un accident, oui, parce aussi. Que pas de feu. Et en ce moment, la nuit, on les lumières. Les villes éteignent les lumières, donc dans le noir complet. J'en revenais pas. Je me dis, à chaque fois qu'il arrive un truc, je me dis, bon, là quand même, c'est gros, il n'y aura pas plus gros. Eh ben si. Eh ben si t'arrives à trouver plus gros. Il se dit, sinon notre fort. Thierry va s'ennuyer. Tu peux toujours trouver plus con. Bah oui, c'était ça, oui. C'était pour que Thierry ait une histoire à nous raconter. Du coup, ils mettent la barre plus haute à chaque fois. Bah, c'était l'histoire du père Thierry. Pourquoi un con ne change pas souvent d'idée? Parce que son cerveau est gelé. C'est presque ça. C'est parce qu'il n'en a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'est pas la peine d'essayer de contredire les cons. Ils finissent toujours par le faire eux-mêmes. Vous avez des expressions? Et en plus, c'est vrai ça. En plus, c'est vrai. Est-ce que vous avez des expressions? Est-ce que vous avez des choses à dire sur les cons? Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Oui, ouais. C'est ce qu'on dit, les imbéciles, les cons. Oui, les imbéciles. Non, mais c'est dire qu'ils sont tellement cons, ils changent pas d'avis, mais ils finissent toujours par se contredire. Donc en fait, ils changent d'avis et eux-mêmes, ils changent leur avis. Voilà, ça. Mais ils ne reconnaissent pas. Oui, parce que paradoxalement, un con a deux cerveaux. Il y en a un qui est perdu et il y a l'autre qui part à sa recherche. c'est marrant, celle-là. Celle-là, extra. Celle-là, elle vient. Et vous savez, un homme intelligent comme moi peut très bien faire le con. Oui, mais l'inverse n'est pas vrai. Le contraire, c'est pas évident. Ouais. Ou alors, il ne le fait pas exprès. Ah oui. Ouais c'est parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire exprès de faire le con, et parfois, on ne le fait pas exprès. Voire souvent même. Mais par contre, dans la vie, faire la conne ou le con, franchement, c'est une très bonne stratégie. Ça peut, des parce fois. Parce qu'on vous prend plus pour plus con que vous n'êtes, et du coup... Oui, Et puis des fois, hein, y a des gens, ils laissent tomber, il est trop court pour ouais comprendre. Et puis comme finalement, ça, t'as la paix, ouais, c'est ça. Ah, c'est ouais, vrai, aussi, c'est aussi. Vrai. Ça m'est arrivé de le faire, ouais, oui. Quand je veux, j'arrive à prendre un air con. Mais c'est vrai que je prends aussi un air con quand je veux pas. Et il est très doué pour ça. Après la mort, l'esprit quitte le corps. Sauf chez les cons, il l'a déjà fait avant. Ouais. J'aime bien, il l'a déjà fait avant. Audiard, quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ouais, ouais. Bon, et puis de toute façon, le ciel sera assombri, il fera nuit. Hein. Ça, ça, c'est dans le Pacha. Donc les cons, ça hausse tout. C'est ouais à ça qu'on les reconnaît, les tontons ben, flingueurs. Oui, celle-là, oui, elle est vraiment célèbre, celle-là aussi, oui. Ce qui est surprenant chez les jeunes cons, c'est à devenir de vieux cons. Leur destin est tout tracé à cela. Effectivement. Il y a des chansons qui portent le mot con dans le titre. Est-ce que vous connaissez la chanson de Gainsbourg sur les cons ? Requiem pour un con. Ah, oui, ah, oui. Ouais. J'étais en train de chercher, ouais. C'est vrai que oui. 1968. Vanessa Paradis ou Benjamin Biolay ou les deux ensemble, la chanson des vieux cons. Enfin, si ça vous dit quelque chose. Non, je connais pas. Requiem pour un con, oui. C'est même une musique de film d'ailleurs, je crois. Oui. Ouais. 2013-2018, la chanson des vieux cons. Ben. Ah. Georges Brassens, quand on est con. On est con, oui. Vous connaissez Juliette, la chanteuse Juliette ? Oui. De 2008, elle a une chanson con. La chanson con, voilà. Un piège, Conte partiro, Conte partiro. C'est un con, c'est avec toi, je partirai, évidemment. Je croyais que tu allais nous parler du piège à con, mais non, c'en était un, finalement. C'est ça. Que t'as fait. Il y en a toujours. Les films sur les cons, Adieu les cons, Dupontel. Ah, ça s'appelle Adieu les cons, d'accord. Oui, d'accord. Dupontel, extraordinaire, de 2020. Le dîner. De con, bah oui, c'est Francis Weber. Bah oui, forcément, oui. 1998. Et dire que j'allais l'oublier, celui-là. Audiard 94, comment réussir quand... On est con et pleurnichard. Et pleurnichard, bah oui. Non, c'est pas 94, non ? 74, oui, 74. Pardon. C'est avec Pierre Richard, non ? Non ? Non, il y a Jean Carmet. Ah, d'accord. Jean voilà, je connais Jean pas Carmet. Celui-là. D'accord. Alors, j'ai acheté un kit anti-con. Ah ouais, non mais ça il nous a fait rire quand on a vu ça. Les gens de Twitch, vous voyez, ça ressemble à une borne de route, hein, kilométrique. C'est ça. Et dedans, il y a des petits livrets. Et comme nous sommes quatre, nous allons en utiliser quatre. Le cinquième, c'est mon répertoire à cons. C'est le truc un peu vide là que je vous ai dit. Si vous voulez m'envoyer une photo, votre nom et une petite anecdote sur vous. Voilà. Oui, si vous voulez. C'est mon nouveau Death Note. Si vous voulez, c'est ton annuaire à con. Voilà. Si vous voulez rejoindre les archives à Thierry. Hein. Donc voilà, j'ai fait une petite distribution. Pas besoin de regarder lequel et lequel. Je passe les quatre livres à Kevin et vous en prenez un chacun. J'en prendrai un aussi. Et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce kit anti-con. On va prendre ma couleur préférée. Voilà, moi, j'ai pris le premier. Vous m'en passez un. Voilà. Allez, qui c'est qui commence ? Allez. Comment s'appelle votre petit livre ? Alors moi, c'est Glossaire des cons. Glossaire des cons. Alors tiens, on va faire le tour des titres et puis après on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors moi, c'est Idée pour se débarrasser des cons. Oui. Insulte et punchline pour anti-con. Comme de par hasard, en plus. Moi, j'ai pensé réplique anti-con, ça me va très bien. J'aime bien les petites maximes. Allez, on fait des petits tours comme ça. Vous en cherchez un truc qui vous plaît ou même par hasard. Hein. Moi, je viens de tomber sur un qui me plaît. Alors, c'est donc, bah oui, des définitions, hein, c'est un glossaire. Le compliment, c'est le mensonge du con. Oui, il y a les définitions, oui, oui. Bah, oui, le temps qu'il cherche, j'en ai une autre en même temps. Compliqué, lorsque l'on est trop con pour comprendre. Oui, moi ce que j'aime, le fait d'avoir des maximes, des citations, c'est que ça s'appelle pas des citations, mais des cites à con. Tu as été bercé trop près du mur, non ? Ça, c'est possible. Alors, moi, j'ai la méthode anti-con. Pour se débarrasser des cons, le mieux serait d'apprendre à les repérer. Par exemple, lorsque vous entrez dans une pièce, lancez bien fort « Hé, gros con !» Si tout le monde se retourne, c'est que tout le monde s'est reconnu. C'est alors... Ah, oh, celle-là, elle est géniale. Faites alors demi-tour. Puis t'as le conseil à la fin. Mais... J'ai conduit une Lada qui était plus intelligente que toi. L'échec, c'est la réussite du con. Ah ouais, là. Concavité. Espace libre situé entre la boîte crânienne et le cerveau. Le chieur. Combien de fois avez-vous dit de lui « Il est chiant » ou « Qu'est-ce qu'il me fait chier ?» Ne pensez-vous pas que lui offrir un petit bonbon laxatif serait lui rendre l'appareil ? Oh là là là là là là. Ils sont combien à pédaler dans ton crâne, deux ? Quand ils se remettront au boulot, explique-leur qu'ils ne doivent pas prendre leur pause en même temps. Ouais, ouais. Ah. Concombre. Insulté et insignifiant, espèce de cornichon. Bon, celle-là. Hein ? Allez, qu'est-ce qu'on va vous trouver d'autre ? Tu te prends pour le nombril du monde, tu t'es juste trompé de trou. Se débarrasser définitivement d'un con. Habillez-le aux couleurs du PSG, abandonnez-le en plein Marseille. Ah ouais, bah là ça... celle-là, oui. Ah bah là, oui, y a aucun doute. J'ai un truc par rapport aux nationalités. Si tu croises un... Alors, je sais plus, j'ai trouvé tout à l'heure. Alors, si tu te balades en Suisse et que tu sens qu'il y a un con, bah, c'est qu'il est belge. Mais bon, il faut faire attention avec les nationalités. Bah, une conjonction. C'est lorsque les deux cons se retrouvent. Bah oui. Ah, bah ah, oui. Oui. Bah, forcément. Hein. Alors, comment se débarrasser définitivement d'un con ? Préparez-lui un bain de boue pour qu'il se détende et qu'il ait une belle peau. Par contre, remplacez la boue par du béton à prise rapide. Retourne dans ta cabane de jardin, il doit manquer un manche à un outil. Ah oui. Oh. Tout en gentillesse, évidemment. Ah ouais, non mais là, ouais, complètement, ouais. Hein ? Alors, on est tellement absorbé par ça que... Comment soigner un con ? Mettez un con sous perfusion de glyphosate, ne pourrait-il pas le guérir de sa connerie ? Qui sait ? Jusqu'à présent, personne n'a encore osé essayer. Ah bah... Hein ? Alors, nous lançons un appel. Quelqu'un veut-il essayer ? Tu sais quel point commun il y a entre ton cerveau et le Père Noël ? Oula, je vais éviter de répondre, là, quand même. Hein. Oui, ça n'existe pas. Ah. Oula. Être con est tout à fait supportable tant qu'on l'est suffisamment pour ne pas savoir qu'on l'est. Ah oui, elle est bien, celle-là. Oui. Ah, celle-là, ouais. Diffuseur de conneries en spray. Le casse-pied, écraser les orteils des casse-pieds, ce n'est qu'un juste retour des choses. Quant au casse-couille, faites ce que bon vous semble. Conduit. Colon d'un petit trou du cul. Habituellement, c'est dans les prés que l'on rencontre les ânes de ton espèce. Oh, oh là ! Ouais, celle-là ? Ouais. Le vrai con, c'est celui qui se croit plus intelligent que tous ceux qui sont aussi bêtes que lui. C'est très spirituel, mais ô combien vrai. Le cadeau anti-con. Offrez-lui un grille-pain aquatique. C'est génial, il permet de faire des toasts pour prendre son petit déjeuner dans son bain. Et quand c'est grillé, il se met à chanter un titre de Claude François. Et c'est bien, en même temps, tu sais ce qui se passe. Hein. C'est quand même beau le progrès. Hein. La télé, c'est tellement con que les pigeons ne se posent même plus sur les antennes. Écoutez, en même Indestar, temps, alors. On voit ce que c'est devenu. Ouais. Donc, écoutez, Indestar, vous regardez-nous sur Twitch. Hein. C'est ça. La preuve que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. Dès que tu ouvres la bouche, tu parais moins bruyant. Bah, moins brillant, pardon. Alors, toujours comment se débarrasser définitivement d'un con. Invitez-le à une partie de chasse, une battue, et n'oubliez surtout pas de lui prêter un manteau de fourrure. Ah bah non, surtout pas. Je sais pas si t'as l'air conditionné, mais t'as vachement l'air con. Mais si, vas-y, va avec ton manteau de fourrure, on fait une battue. Bah si, vas-y, écoute, allez, t'auras vas-y, plus vas-y. Chaud. Voilà. Tout ça à poil. Bon, ouais. Je vous passe le balcon. Hein, l'histoire du balcon, oui, la soirée dansante, Hein, oui, quand même, hein. Concourir, galoper derrière un ballon, poursuivre un taureau dans une arène, pour chasser un faisan d'élevage, voilà, concourir. Bah justement, il y a un chasseur qui a pris un chien pas trop intelligent pour être sûr qu'il va pas le prendre pour un con. Je te vois, ça me fait penser qu'il faut que j'achète de l'andouille. La méthode altruiste, puisqu'il existe un téléthon, pourquoi ne pas y créer un télécon? Les dons récoltés pourraient aider à la recherche et à trouver un remède contre la connerie et à mettre tous les cons en quarantaine. Ça pourrait être utile, ça aussi. Hein? Qu'est-ce qu'un concubin? C'est un con, un cubain. Un cubain. Bon. Alors, on est vraiment absorbé, oh. Hein. Envoie ton CV chez Panzani, il cherche des nouilles. C'est mignon. Ouais. Oui, elle était mignonne, celle-là. Oui. Confédération. Association de personnes qui pensent que plus on est de cons, plus on rit. Les profiteurs, ces piques assiettes aiment prendre, mais n'offrent jamais rien. Mettez à leur disposition une coupelle de guimauve trempée dans de la harissa et de chocolat saupoudré de piment d'Espelette. Attendez le résultat. Et il y en a plein d'autres comme ça. Mm. Vous pouvez en chercher d'autres. J'ai cherché aussi les records les plus cons. Parce que en fait, pour entrer dans le livre des records, il suffit de battre un record qui n'a jamais été battu. Donc oui. En fait, vous pouvez tout à fait créer quelque chose. Et ouais, donc il y a des gens qui ont inventé tout et n'importe quoi. Il y a un gars, il s'est dit, moi je pense que ça n'a jamais été fait d'être attaché derrière un cheval et d'être traîné, mais en plus avec le corps en feu. Ah, qu'est-ce qu'il est con, mais... Il est sadomaso, c'est n'importe quoi. Alors il y a des records qui vont là où il n'y a pas besoin forcément d'avoir 50 000 choses. Empiler des œufs les uns sur les autres, les œufs c'est tellement rond, c'est pas évident hein, de les mettre. Bah oui. Hein. Bah, en fait le premier qui a fait ça, bah, il en a mis l'un sur l'autre quand il a vu que ça marchait. De toute façon ça n'a jamais été fait, donc pas besoin d'aller plus loin. Et puis l'année d'après, bah, t'en mets un troisième. Bah, oui. et en fait, c'est pas la peine d'en mettre 10 parce qu'après, il faudra en mettre 11. Donc voilà, il avance voilà, un petit peu. Faudrait pas faire une omelette. Un petit peu doucement comme ça. Bon, mais il y a des gens qui ont pris des risques. Genre le record de s'empêcher de respirer. Hein. Ça, se tenir le plus longtemps sans respirer. Il est mort. Il y en a qui ont eu des problèmes. Ouais. Alors là, par contre, alors c'est pas pour me moquer, Kevin, mais c'est parce que je lis le record de ne pas dormir, mais de, pour le coup, de se retenir, de ne pas dormir. Ouais, alors que ça peut être une maladie, hein, ou un être involontaire. Oui. Alors ne pas dormir ou le contraire. Trop dormir. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont essayé de battre le record de sommeil. Mais je ne sais pas comment on fait pour faire exprès de dormir. Une fois que tu es réveillé, c'est compliqué. Bon, bref, comment contrôler les hormones et tout ça, quoi. Alors, record de ne pas parler. Moi, j'ai marqué impossible, je fais de la radio. Ah, puis tu serais malheureux si tu ne parlais pas. Se retenir de parler. Bon. Arracher des clous avec les dents. Mais oui, bien sûr, ils sont cons, quoi. Il y en a qui ont aussi avalé, enfin, comme les fakirs, hein, qui ont avalé des clous et il y en a qui sont retrouvés percés. Donc, la plus grande distance traînée par un cheval et le corps en feu. Ouais, celle-là, ça, c'est en Autriche. 500 mètres, quand même. Ah, quand même. Là, les dégâts. Mais le feu était éteint après, à force de... Non, il s'est blessé, ce con. Oui, il a juste blessé. Je sais pas comment on fait ça. Brûlé, je sais pas. Enfin, exister à tout prix au risque d'y rester. Voilà ce que j'ai tiré comme conclusion. Je suis pas allé plus loin, mais je me suis dit, peut-être avez-vous dans l'idée des records, ou peut-être nous avons peut-être battu, d'ailleurs. Ah, c'est possible, hein. Mais écoute, je t'en parlerai plus tard, moi. Ça tombe bien, j'ai une rubrique là-dessus. Le record de la meilleure stagiaire. Par exemple. Oui. Le record des jeux aussi, on l'a, des jeux. Il est vraiment bien ton jeu, le kit anti-con. C'est marrant, faut s'amuser. Ouais, c'est ça, c'est fun. Ouais. Faut rigoler. Mais par contre, faut pas inviter les cons, hein, parce que. Non, bah non, c'est ça. Là, peut-être qu'ils. Ils le savent pas. Voilà, c'est ça. Ils le savent pas, c'est le principe du dîner de cons. On sait qu'il y en a un, mais on sait pas où il est. On rappelle que t'as un petit livret à remplir avec des photos. Mais... Mon répertoire à cons. Voilà. Hein, c'est... Donc, si et tu l'as déjà commencé J'ai quelques idées. Il attend les photos. Eh ben. Pour lui laisser le temps de rechercher des idées, Thierry, on te met une musique pour t'aider. Ouais, et puis je vais aller piocher dans mes photos de famille. Il faut que je fasse des cadeaux à Noël. T'imagines, t'arrives, t'es... Oh, le joli album de famille que tu m'as fait. Ah merde. Règlement de con. Ouais. Oui, bah oui. Ça passe bien. Oui. Donc on va écouter Doria. Vrr. Ouais. Ça serait presque. Vrr. Oui, comme le titre. Rrr, ça aurait pu. Ah ouais, c'est ça. Comme le film, ça aurait pu. Oui. Mm. En tout cas, c'est sur Indestar. Tu sais qu'on allait. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je dors tard, tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je cours après le train, je suis en retard. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je traîne dans le check, je dors pas. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Bah ouais. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je veux pas passer le balai. J'étais au bord du lac, j'ai fait un million de vœux. J'ai lancé le galet. J'ai rêvé d'un monde où on serait tous les mêmes. Mais c'est qu'une histoire de monnaie. La seule différence se fait si t'as bien bossé. Donc moi j'ai trimé pour vivre, pour manger ou fumer. Même pas 10 balles de l'heure, c'est la dalle ou le vide. Donc je bosse, je suis dans le digne, j'en oublie pas le dîner. Le temps passe, les gens changent, dans tous les cas je ramène à dîner. Et rien que ça charbonne dans le side. T'as souri, t'as cru que j'étais docile. T'as vu, je suis plutôt casqué dans le style. Tu parles, tu fais, tu parles pour rien, tu parles mal. Tu sais qu'on allait, bah ouais. Je dors tard, tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je cours après les trains, je suis en retard. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je traîne dans le check, je dors pas. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. J'ai fait la liste, j'ai qui m'en reste à faire. Sans plan départ, j'ai préféré le B. Le fer austère, j'ai plus le temps de parler. Histoire d'un verre, je connais pas, je suis pas de ça. Je connais plus d'un mec qui se lave la gueule les mains sales. Quand le doute y est, y'a plus de doute, tu dors mal. Et t'as les yeux fermés, mais toutes ces voix ne te lâchent pas. Donc moi j'ai vu ce qui ces nuits-là. J'ai bossé, lu mes livres. Passé des nuits entières à chercher le diplôme dans les lignes. C'est le top ou le bide, je bosse avec le NIF. J'apprendrai toutes ces fiches jusqu'à avoir mon nom sur la liste. Et si jamais j'ai pas la note, j'emmerde vos profs. Et si jamais je me fais péter, bah j'emmerde la proc. Je dois avancer sur le côté, je perds un tas de proches. Il n'y a que eux qui peuvent compter et ce qu'il y a en dans la poche. Si je n'ai rien à dire, c'est que le silence suffit. Si dans les mots tu veux le lire, je pense que mon nez suffit. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je traîne dans le tic, je dors tard. Tu sais qu'on allait. Bah ouais. Je cours après les trains, je suis en retard. Tu sais qu'on allait. Bah ouais, je traîne dans le check, je dors pas. Tu sais qu'on allait. Bah ouais, bah ouais. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh, c'est tout doux après. Ah, oh, j'avais jamais fait gaffe. Ouais, il est pas mal quand même le jingle après des cons, ces conneries-là. Hein. Oui, hein. Oui, bah, c'est vrai que ça passe totalement. Non, mais c'est vrai, c'est tout doux. Oui, non, oui c'est tout sympa. Doux. Non, mais en fait, je l'ai changé il y a pas longtemps, c'est pour ça que. Quand les cons s'en vont, c'est comme après un orage. Ouais, on se sent apaisé. C'est vrai que là, ça va mieux. D'un seul coup, l'atmosphère s'est détendue. Là, on a vraiment expié nos préjugés sur les cons. Ça fait quand même ouais. Du bien. Ouais. Ah, on se sent mieux. Bon, bah, on passe à la suite. Ah, bah oui, non, mais la attends, prochaine oui, musique faut... alors. Voilà. Non, donc là, bah, je vais vous parler d'un personnage, un petit peu, donc, vu que forcément on a fait Mission Impossible, donc je vais vous parler d'un guerrier qui s'appelait Loubou, qui ne connaissait pas la peur. Donc je me suis imaginé un petit peu une petite histoire, tu vois, en combinant un peu la réalité, au tout début, donc une bataille où il a été, tout ça, avec un petit peu des suites d'aujourd'hui, s'il découvrait la peur, ce que c'était en fait. Mais il est mort à quel âge? Parce que si t'as pas peur, tu meurs rapidement, non? Disons que lui, il est mort à l'âge de 40 ans. D'accord. Donc, sachant qu'il a vécu dans... En l'an... On va dire pour la bataille, c'est l'an 190, là, qu'il y a. Mais il a réellement existé ? Il a réellement existé, oui. C'est considéré comme un des guerriers les plus puissants ayant existé, même. Bah, dis donc. Oui, c'était vraiment... C'était... En gros, pour faire la petite parenthèse un peu histoire, il y avait certaines armées qui avaient l'ordre de fuir dès qu'ils voyaient ce personnage-là. C'était vraiment... Ah. Oui, c'était... Et pour prendre autre chose, en Chine, il y a le dieu de la guerre, Guan Yu. On leur disait pas Garo Kong. Ouais, c'est ça. Et donc en Chine, donc, comme j'expliquais, t'avais le dieu de la guerre, Guan Yu. Bah, Guan Yu, en duel, perdait contre Lu Bu. Justement. Donc, Lu Bu, c'était le plus fort. C'est ça. En termes de force brute, tout ça, c'était largement au-dessus. Par contre, en termes de stratégie, tout ça, vu qu'il fallait prendre tout ça, bah, il était un poil en dessous. Ce qui fait que l'histoire a plus retenu Guan Yu que Lu Bu. Mais donc, pour en revenir à là, nous, on est à l'époque des trois royaumes de Chine. Donc le Shu, le Wei... Et le Wu, j'étais en train de me dire c'est lequel, le troisième. Déjà ça commence bien. Donc en l'an 190, lors de la bataille de la porte de Hulao, qui est l'ancienne capitale de la Chine, on va dire, c'était la porte qui gardait la capitale. Et donc sur cette porte là, le gardien de cette porte, c'était Lu Bu. Mais les alliés donc essayent de venir, mais il y a un énorme problème de poids vu qu'aucun des soldats envoyés pour justement traverser la porte, même en l'esquivant, il n'y en a aucun qui est revenu en vie. Donc, c'est embêtant. Oui. Donc, ils se disent, bah, vu que par la force, ça marche pas, bah, on va essayer de lui lancer un sort. Donc, ils vont appeler les deux meilleurs sorciers de l'époque, Tsuge Liang et Sima Yi, qui vont mettre de côté leur ego surdimensionné, vu que forcément, les deux, non, je suis meilleur que toi, patati, enfin bref, les batailles d'ego, on va dire. Et donc, ils vont lancer un sort à Lu Bu, où il faut une formule particulière pour le lancer. À Cadabrada. C'est très particulier, oui. En effet. C'est déjanté. Ouais. C'est ça. Et donc, la formule complète, c'est « Akatabrada, disparu, as-tu ?» Donc là... Ah, en plus, faut pas se planter, sinon... Ah, oui. Ouais, c'est sinon, ça. Sinon, c'est toi qui disparais. Ouais. Peut-être, peut-être. Ouais, c'est un peu con, quand même, pour revenir sur... Le sort se retourne contre toi. Oui. Ouais. Donc, et là, Lu Bu donc, va commencer à se sentir pas bien. Il va s'évanouir à un moment. Donc... Il va commencer à se réveiller après, sauf que il va être dans un monde un petit peu étrange pour lui. Il va voir des espèces de chevaux avec quatre roues, enfin il sait pas trop comment c'est. Il se dit mais c'est quoi ce truc encore ? Des chevaux avec quatre roues. Ouais. Il s'est drogué ? Non, c'est les suites du sort, donc il se dit mais où est-ce que je suis atterri encore ? Où est-ce qu'on m'a envoyé ? Il y a de grands bâtiments qui s'étendent jusque dans le ciel et voire même plus haut. Ainsi que... plein de personnes assez bizarres, assez petites en taille, avec un appareil qui émet de la lumière. Donc tu vois, c'est vraiment un monde... Un cerveau. Non, c'est pas... Mais pas de con, hein. Sinon, ça émettrait pas de lumière. Le truc, c'est que l'appareil, il le connaît pas non plus, donc il voit de la lumière et il commence un peu à flipper, un peu à se dire, mais où est-ce qu'on m'a emmené ? Dans quel monde ? Quel est ce truc encore ? Et c'est pas une bougie, il se dit. Non, c'est pas une bougie, non. À votre avis, quel est cet appareil qui peut lui faire peur ? Ben, moi, j'ai bien une idée. Le soleil. Non, pas le soleil. Je crois que Thierry en a à la main. Oui. Ah, un téléphone portable. Oui. Il est rendu chez nous. Et oui, il est rendu au 21e siècle. Ah oui, d'accord. Les chevaux avec quatre roues, ben, c'est les voitures. Ah oui. Oui, vu qu'il fallait que je trouve des termes un peu, tu vois, comme à l'époque, un peu... Je dois avouer que j'ai bien galéré pour celui-là quand même. Trouver un truc, comment je pourrais appeler les voitures à l'époque. Et donc, il va commencer à se promener un petit peu. Bon, déjà, tout le monde le regarde de travers, vu qu'un guerrier qui est torse nu avec une hallebarde. Bon, on croise pas ça à tous les coins de rue, quand même. Ouais. Donc, tout le monde va le regarder un peu bizarrement. En plus, il a une tête de méchant. Donc, il a vraiment rien pour lui, ce guerrier. Donc, il commence à se promener. Il passe devant des magasins. Sauf que là, les magasins, pareil, il va voir des écrans encore. Et donc, vu qu'il a peur des téléphones, il voit les écrans qui font de la lumière, bah, il commence à paniquer, à taper un peu partout. Et puis là, c'est grand, c'est pas des petits machins qu'on transporte. Non, c'est des grandes plaques un peu... Tu vois, c'est des trucs un peu bizarres pour lui. Ouais. Il ne connaît pas ça totalement. Et il se dit, mais où est-ce qu'on m'a envoyé vraiment ? Quel est ce monde de fou ? Mais totalement. Et... C'est pas fou ce soir, c'est con. Non, mais il a pas suivi le cours en fait. Hein. Non, j'ai pas tout c'est suivi. Pas qu'est-ce que c'est que ce foutoir, c'est qu'est-ce que c'est que ce comptoir. Oh, c'est beau ça. Donc, il va commencer à tout détruire, donc forcément, il y a des gens qui vont appeler à la police. Et qui vont dire, il est con celui-là. Ouais. Non, mais, qu'est-ce qu'il nous a laissé sa voiture à 4 chevaux, là. Alors non, le problème, c'est quand les gens vont faire l'appel, bah, la police va se dire, non mais arrêtez de nous prendre pour des cons, ça ne peut pas exister. C'est bien, t'es retombé sur tes pattes. Oui, totalement. C'est pour ça qu'ils réservaient le terme, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ils vont pas y croire, en fait, au début. Il faut dire que, bah, comment tu veux y croire en même temps? Bah ouais, et en plus c'était ni carnaval, ni Halloween, mais oui, c'est ça. Ni les visiteurs 4-5 ou... Oui, ouais. C'est une phobie, une panique voilà. Assez bizarre. Hein. Bah voilà, ouais. C'est mystérieux. Ouais. Bah ça, mais bon, pour lui à l'époque, ça n'existait pas, donc le pauvre, on va dire, il commence à paniquer vraiment violemment, surtout qu'en plus, il ne retrouve aucun des visages, entre guillemets, familiers, il ne retrouve personne qu'il connaît. Donc... Puis alors les tenues, je te dis pas, c'est ça? Oui, bah il est torse nu, il a juste un truc, je sais même pas comment on pourrait appeler ça en fait. Un bas, mais de l'époque. Voilà, on va un dire. Tunique. Voilà. Un pagne? Non, c'était pas un pagne, non. C'était... Un short. Ouais, ça s'apparentait plus à un short, on peut dire, oui. D'accord. Mais tu vois, voir des personnes. Un peu déchiré, un haillon. Ouais. Mais tu vois, voir des personnes qui ont un costume, un téléphone, passer devant des magasins où il y a des écrans. Bah lui, tout ça, ça. C'est... Qu'est-ce que c'est de cette diablerie? Ah c'est mon ça. Dieu. Il m'ont jeté un sort. Voilà, c'est ça. L'écran, ils m'ont jeté un sort. Ouais, totalement. Donc... Vite, mon kit anti-con. Donc, il va aller voir au niveau des voitures, vu qu'il se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, quand même. Ah oui, oui. Donc, il va commencer à la pousser. Donc, ouais. Il voit que ça marche pas. Il commence à essayer de la retourner. Ouais. Il voit que ça marche pas. Avec son hallebarde, il donne un coup dessus. Il voit que ça marche pas. Donc il en a marre et il commence à tout détruire. Ah. Oui, c'est... Ouais, oui. Et ça marche là? Bah, il y a un bruit qui se fait. Ah, oui. Boum. Oui. Ça soulage des fois de détruire. Ah, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il comprend pas l'utilité de cette chose en fait. Toujours. Surtout qu'il n'y a pas de cheval devant. Non, c'est ça, oui. Ouais. Tout bon pour lui, c'est juste un cheval avec quatre roues, hein, quand même. Ah ouais. On va reprendre le terme qu'il utilise. Ils ont mis la charrette et le cheval en même temps, ils ont fait un combiné, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Le combiné, ouais. Donc, il continue un peu sur sa lancée, et là, il voit un grand immeuble. Donc... Waouh. Bah, écoute... Là, attends, je fais loubou. Vas-y. Waouh. Alors, attends. C'est quoi, cette connerie-là? Vas-y, refais qu'on te voie à la caméra. Waouh. C'est quoi, cette connerie-là? Mais oui, donc, il voit un grand immeuble, il commence à s'approcher, et là, les portes s'ouvrent toutes seules. Donc, lui, il est un peu surpris. Il recule, il avance, et il revoit que les portes se rouvrent toutes seules. Bienvenue chez oui. Total. Précisons quand même qu'entre les deux ouvertures, la porte s'est refermée. Hein. Oui, quand même. Quand même, oui. Hein. C'est mieux. Oui. Donc, il commence à se vraiment se dire, mais c'est un monde de fous, vraiment, où je suis. Donc, sorcellerie. Ouais, sorcellerie, où es-tu? Ouais. Mais comment la formule, je vais pas... Oh, si remarque, si on peut leur dire, Acadabrada, disparu, as-tu? C'est quand même une belle formule, ça. Ah, ouais. Mais ça marche pas avec nous, on est toujours là. Hein. Non. Ou alors, on est à l'époque qu'il faut être. Ouais, bah après, là, on vous voit, donc c'est bon, vous êtes toujours là pour Daniel et Lisa. Alors, attends. Allez-y, refaites coucou, vu que j'ai changé un peu vite. Ils ont pas l'air cons, là. Si, un petit peu, tu vois, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et toi et Thierry, vous êtes là aussi? Ouais, on est là. Oui, j'ai failli aller au radiateur, ouais. Mais bon. Bah, après, tu vois, on t'aurait vu que regarde, si je fais ça. Et tac, on voit tout. Donc tu vois, on t'aurait vu, là. Ah, merde, c'est pas le bon. Je ferai un barbecue au fin d'émission. Mais donc, oui, donc, il commence à rentrer dans le bâtiment et il revoit des écrans encore. Donc... Il y en a des choses chez Total, hein. Ah ouais, non, mais... Le ouais. Plaisir est total. Donc, il recommence à re-avoir peur. Et là, il va y avoir une personne qui va lui demander, mais monsieur, vous êtes sûr que tout va bien, quoi? Vous êtes pas... Vous allez bien, mentalement tout va bien, tu vois, ils vont commencer à lui poser plein de questions. Êtes-vous sain d'esprit, monsieur? Ouais, oui, c'est ça. Enfin, je crois. Ouais, bah dépend pour qui, on va dire. Bon, donc... je suis peut-être con, mais bon, je suis sain d'esprit à côté de ça. Hein. Ouais, en même temps, c'est pas très dur quand même, Daniel. Donc... Ah non, surtout me concernant. Oui, donc là, Loubou va répondre que oui, tout va bien, mais qu'il ne comprend pas où il est. Et il demande, mais... Quel est cet engin qui fait de la lumière? Donc, on va commencer à lui expliquer. On va lui dire, vous voyez, vous prenez votre téléphone. Donc là, déjà, Loubou va dire, à quoi? Bon, tu... Quoi ? Donc un téléphone, tu vois, il commence, et il fait, vous le prenez et vous appuyez dessus. Sauf que le problème de Loubou, c'est qu'il a une force surhumaine. Donc il prend le téléphone, il le serre, mais il pète le téléphone. Donc il y a vraiment rien qui va. Donc il se fâche parce que ça marche pas avec lui. Voilà. Il lance le peu du téléphone qui reste et il part en gueulant, c'est vraiment naze. C'est bon. Ça c'est non, Loubou qui gueule. Hein. C'est ça. Voilà. Mais en même temps, il agite sa hallebarde en disant, vous voyez, c'est bien mieux que votre... des trucs là, votre, ouais. Des trucs, ça se casse pas au moins quand je serre. Donc c'est plus utile. Ouais, moi je connaissais le thé à la menthe, mais pas le thé machin. Hein. Ouais, moi non plus. Ouais. Et donc bon, là il va continuer un petit peu sa route. Mais à un moment, il va recommencer à se sentir pas bien. Ah, il y en a partout alors. Bah, est-il tombé sur le kit anticon ? Ah, ça, l'histoire ne nous le dit pas. Ah. Oui. Eh ben, elle nous le dira pas. Voilà. Et donc ce qui fait que bah il va juste retourner dans son monde après. Bah il sera plus apaisé au moins. Oui. Ouais. Oui, sauf que le problème c'est qu'entre temps il a été capturé vu qu'il s'est évanoui sur le champ de bataille. Ah flûte. Ouais. C'est quand même moche hein, pour lui. Ouais. Lui qui était imbattable. Oui. Ouais. À cause d'une d'un simple sort. Oh je suis triste pour lui. Ah oui. Les cons sont imbattables parfois. Ah, ouais. l'histoire ne dit pas que c'est à cause de ou grâce à ça qu'il était imbattable là en fait. Hein. Oui c'est ça. Ah. Bah, mais donc voilà un petit peu la petite histoire que je me suis inventée. Ouais. Qui est impossible quand tu suis finalement le vrai cours de l'histoire. C'est quelque chose de complètement improbable. Hein. Totalement, oui. Ouais. Déjà, bon, pour expliquer, il y a des personnages que j'ai utilisés qui, pendant la fameuse bataille, n'étaient pas là encore. Tu vois, qui n'étaient pas connus. Ah, c'est pour ça qu'il a perdu alors dans la tienne. Voilà, c'est ouais. Ça. Voilà. Mais bon, puis bon, même juste le fait de se dire c'était un guerrier qui avait pas peur, je me suis dit, bah. Pourquoi pas lui faire avoir peur dans des écrans tout simplement. Mais j'ai vu un petit air de visiteur là quand il cogne là sur la bagnole. Je me suis sur la bagnole de la poste. Sauf que c'était pas un sarrasin qui avait dedans, c'est ça? Non, c'était. C'est des malades, c'est des malades. Et je me disais oui, il devait chercher effectivement les chevaux. Et il l'a regardé, s'en avait pas mis la charrue avant les bœufs. ça aurait pu, oui. Mais donc voilà un petit peu. Bien. Bah c'est pas con. Oui, non, c'est ça. C'est original, c'est sympa. J'attendrai c'est ça. Avant de t'inscrire. C'est bon, on se va un petit peu. Tu as gagné quelques mois. Ouais, quelques mois, ouais. Je remets le dîner à plus tard. Ah, et la musique, tu la remets à plus tard, Thierry ? Ah non, mais ça c'est un petit encas, ça va avec l'apéro. Oui, donc Julien sort des taux. Call on me. Sur une des stars, comme toujours. Et on revient juste après. Indestar. Le direct Indestar.fr. Les podcasts Indestar.fr. Retrouvez un titre passé sur l'antenne Indestar.fr. Les infos sur les émissions Indestar.fr. Les vidéos Indestar.fr. Les infos artistes Indestar.fr. Le café du matin Indestar.fr. Une voiture diesel Indestar.fr. Des lasagnes au poulet Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar, là où commence le week-end. Bonne fête de fin d'année à tous avec Indestar, là où tout commence. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte, c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser, mais penser le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call me, Bamba. It should let it be. Where we'll go, feel the love that got to take the blow, you know. So call me, please, Baba. It should let it be, Baba. Heavy high, heavy low. Where we'll come, where we'll go, feel the love that got to take the blow, you know. So call me, please, Baba. Happy New Year, Happy Avenger. J'adore à chaque fois, tu as Thierry qui regarde d'un autre côté, dès qu'il l'entend, il se redresse tout content, à chaque fois. Il peut avoir quand même. Mais... Ouais, on a entendu que la moitié là. Ah bah attends. Ah tiens, t'inquiète pas. Ah ouais, parce que j'ai... Happy Birthday, Happy Christmas, Happy New Year, Happy Avenger. Oui, parce que couper, ça faisait un peu pipi caca. Ouais, ça faisait moins bien quand même. Non, j'avais oublié de mettre le son, ça m'arrive encore. Oui. Moins souvent qu'au départ. De temps en temps, il y a quelques accros encore. Ah, ça t'arrive quand tu touches au bouton, mais quand, quand tu parles, il n'y a pas de problème. Bah oui. Ça va. Oui. Son cerveau est connecté, ça va. Ouais, j'en ai qu'un, je suis rassuré, j'en ai qu'un. Ouais. Tu sais mettre le son et tu sais faire le... Con. Il a compris. Je crois qu'on l'avait tous compris. Tu auras la primeur de mon petit carnet. Je vais te transmettre une photo. Hein. J'en ai une exceptionnelle de moi que je m'étais pris après un mois de pousse de barbe où il y a 3 mm de poils. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as rasé, dis donc. Il y a une semaine déjà. Oui. Ouais. T'étais tellement habitué que t'as pas fait attention. Mais c'est-à-dire que c'était pas ultra voyant. Bah non, ça y est, pas vraiment, parce qu'en plus c'était blanc la barbe. T'aurais pu la garder jusqu'à Noël. Ouais. Lisa, tout à l'heure, tu nous as fait la première partie de Impossible n'est pas français. Mmh, tout à fait. Et si on passait à la suite ? Oui, alors du coup, moi aussi, je voulais un peu rire avec vous ce soir, hein, quand même. Et Impossible n'est pas français, et vous parlez de la France et des noms des villes un peu chelou, un peu marrantes, un peu tout ça. Voyez ce que je veux dire là. Oui, mon cuc. Oui, par exemple. Ouais, je croyais qu'il allait dire ouais, mon cul, tiens. Daniel Prévost qui nous montre la ville de mon cul. Voilà, je crois que c'était un autre Daniel. Alors, c'est pas plutôt Pierre Bont, enfin bon. Non, c'est Daniel Prévost. Ouais. Pardon. Mais Pierre Bont était champion pour se balader de village en village. Ouais. Voilà, donc là, par exemple, la commune de mon cul qui est très connue, pardon, et qui a 1700 habitantes et habitantes environ. Et qui situe dans le département du Lot, en région Occitanie. Alors, il faut dire que là-bas, on peut se mettre à poil à moindre frais, puisque le nom du village se prononce en réalité Moncuc. Alors que l'on prononce volontairement mon cul, pour faire rire. Hein. Bah ouais, c'est tellement marrant, en effet. Et donc, ce célèbre nom, comme tu disais, Thierry, a été mis en avant en 1976, grâce à un sketch de Pierre Bont et avec Daniel Prévost. Ou Prévost, non, on dit Prévost, hein, je crois. Prévost, oui. Pour l'émission satirique Le Petit Rapporteur, on voyait le journaliste dos à la caméra et qui disait « Je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. » Ah là. Avec, bien sûr, un plan très rapproché. Et on voyait la caméra descendre et puis arriver, en fait, sur le panneau d'entrée d'agglomération. Oui, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blagues à ce sujet, mais depuis 2016... On a changé son nom, enfin l'État a changé son nom et c'est devenu une composante de la commune nouvelle de Moncuc en Quercy blanc. Donc on peut toujours s'amuser à dire Moncuc. Donc Moncuc, c'est pas en Quercy blanc. C'est ça. Alors, une deuxième ville, poil. Je dors à poil, je m'habille à poil, je déjeune à poil. Mais oui, les jeux de mots ne manquent pas. Hein. Je suis en train de chercher parce que je vous ai parlé d'une ville comme ça il y a quelques émissions. Et c'était tellement poilant que pour la ville, c'était pas poilant parce que beaucoup de gens venaient alors déjà se prendre à poil devant les panneaux. Mais les panneaux avaient tendance à disparaître aussi. Les gens les volaient. C'est dans cette ville-là. Oui. Ouais. Là, oui, toutes les villes, souvent les panneaux disparaissaient, malheureusement. Ouais. Et ça coûte cher, les panneaux d'agglo. Et en plus, c'est dangereux d'enlever la signalisation parce que ça limite 50, aussi la vitesse. Ouais. Bah oui, après tu rentres, tu sais pas. Donc... Oui, n'oubliez pas que c'est 50 en ville quand vous voyez. Panneau cerclé de rouge. Oui. Et blanc en fond. Alors oui, on peut faire beaucoup de jeux de mots avec cette ville à poil. Hein. Ah, ouais. Vous avez vu mon cul à poil, là, oui. Voilà. Tout ça à poil. Et donc, pour parler de cette ville, hein, c'est une commune de 150 habitantes et habitants située dans le... Il n'y a pas grand monde pour être à poil. Dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. Et non, pas de la Mièvre. Oui. Et à votre avis, comment s'appellent les habitantes et les habitants de poil ? Les poilus ? Non. Ah, les poilés ? Oh, une bonne poilée en hiver de champignons. Non, alors, les poilasses ? Je vais vous le dire parce que c'est difficile, c'est les pixiennes et les pixiens. Hein, d'accord. Ça n'a rien à voir. Oui, on l'aurait pas trouvé. Ça change des pixels. Alors, il y a la ville de Bèze. Il hein y a la ville de Bèze. Alors, les jeux de mots là aussi peuvent aller bon train. Hein, ouais. Voilà. Les baiseurs et les baisers. Alors, ça s'écrit quand même B-E accent grave Z-E. Voilà. Oh bah mince, alors je croyais que ça s'écrivait autrement. Hein. Et donc c'est une ville qui est située dans le département de la Côte d'Or. Et figurez-vous que cette commune fait partie de l'association des communes de France au nom burlesque et chantant. Ah. Hein, c'est pas mal comme association. Ah ouais, c'est ça. Et elle doit son nom à la rivière qui y coule. Pendant des années, Bèze, connue pour sa délicieuse andouille, a organisé une chaque... Une Bèze. Oui, en mangeant de l'andouille. Hier, je me suis tapé une Bèze. Elle en a rajouté. Voilà, et c'est organisé chaque 15 août l'élection de la reine de l'andouille et du roi des cornichons. Ah, je crois que je vais me présenter pour à Bèze, voilà. Voilà. Hein, vous pouvez allier le plaisir du sexe et de la bonne bouffe. De toute façon, ça finit dans les tripes. Alors, autre ville sympa, la ville du Fion. Oui, ce petit hameau de Chevenoz en Haute-Savoie qui comporte que 100 habitantes et habitants. Le Fion est aussi une petite rivière française affluent de la Marne. Ils ont fait une grande fête, ils en avaient plein le Fion. Alors, dans la même région physique, on a la ville d'Anus. Hein, c'est très physique, effectivement. Ah. Hein, la ville d'Anus, qui est un lieu-dit de la commune de Fouronne, qui est située dans l'Yonne, à proximité d'Auxerre. Eh ben, Fouron. Ça, ça aurait pu être à côté de mon cul, hein. Hein, par exemple, bonjour, je voudrais que vous me livriez un colis pour Noël à l'Anus. Ah, j'imagine. Ouais, non, mais... Est-ce que vous avez le code de la porte? Est-ce que vous avez le code d'entrée pour... Non mais votre caméra cachée, vous la faites à quelqu'un d'autre, hein. Mais oui. Oh là là. Alors les habitantes et les habitants de cette ville rapportent des anecdotes marrantes, hein, comme Evelyne qui se remémore une procuration en lui donnant mon adresse. Le gendarme était allé vérifier pensant que c'était un canular, hein, la ville de l'Anus. Bah, il y a de quoi. Voilà, alors il y en a une autre, c'est Laconne. Hein, Laconne, c'est une ancienne commune française dans le département de la Dordogne. Sur le chèque de ma femme, il y a écrit Madame Andrieux, Laconne de Bergerac, ironise un habitant auprès de Sud-Ouest. Pour un peu qu'elle s'appelle Couillonne ou quelque chose comme ça, ça fait... Voilà, bon, j'espère quand même qu'il aime sa femme. Ouais. Alors, il y a la ville Latrique. Latrique, c'est un hameau de l'ancienne commune de la Chapelle Largeau, dans le département des Deux-Sèvres. Voilà, si vous voulez visiter Latrique. Si vous avez Latrique. Ouais, hein. Il y a aussi dans le même thème la Sainte-Verge, commune située dans le même département que Latrique. Ah bah. Alors là, j'aime beaucoup. Ouais, celle-là. Et qui accueille 1377 habitantes et habitants. On n'a pas peur que la situation soit un peu tendue entre les deux. Non. Les gens qui décèdent sont raides morts. Et alors, les selon... autres sont raides dingues. On comprend pourquoi ils ont la trique alors. Et selon France Bleu, elle tire son nom de légende locale, relatant la vie d'une jeune bergère appelée Virjana et qui vécut au 4e siècle dans un domaine nommé La Forêt dans les environs de Thouars. La bergère qui aurait été tuée après sa conversion à 13 ans par son patron païen est honorée comme Sainte Virginie chaque 7 janvier. Voilà, bah si vous voulez aller à Sainte-Verge tous les 7 janvier, profitez, bon, Virginie. Mais vous n'aurez pas la trique à Sainte-Verge. Voilà, et la dernière, bah c'est la ville de Beach. Ah, en Lorraine. Ah. En Lorraine. Ah oui, tout à fait, tu connais apparemment. Ah, voilà, un fin connaisseur. Non, parce que en fait, je me rappelle d'un truc, une anecdote avec ça, et justement, tu ne l'aurais pas eu, je l'aurais raconté. Un jour, j'ai vu une émission sur la Seconde Guerre mondiale. Et t'avais des soldats américains qui, en arrivant de Valpano Beach, ont arrêté la Jeep. Se prendre en photo ou... Bah, tu connais la traduction. Oui, c'est salope. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est. Et donc, on les voyait s'arrêter et regarder le panneau. Je crois qu'il n'y a pas de E, là, il y a un E. La fameuse chanson ambiguë de Gainsbourg, Love on the beach, la plage, on the beach, bon. Ouais, ouais. Voilà, alors, Beach, voilà, qui est une commune située dans le département de la Moselle, en Lorraine, donc oui, c'était ça. Et cette ville a rencontré par la Lorraine. Malheureusement, de nombreux déboires, hein, et assez ennuyeux, d'ailleurs, parce que Beach a vu sa page Facebook dépubliée en mars 2021, justement, parce qu'ils ont confondu avec salope. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Hein, l'algorithme du réseau social américain confondait, voilà, le salope en anglais avec le nom de cette ville. Hein. Donc, ils ont dû ramer, hein, pour dire, non, mais rendez-nous notre ville, non, notre ville, on veut publier sur Facebook. On veut pouvoir publier des choses sur notre ville. Ah non, mais on en rigole, mais c'est vrai que ça doit être une sacrée galère. Ouais, bah ouais, ah, grave. Là. Voilà, rendons hommage à toutes ces villes. Qui nous ont permis de passer un bon moment ce soir. Ouais. Alors, et pour finir, je voudrais en revenir au record. Hein, au record, mais là, c'est les records des Françaises et des Français. Ah. Alors, j'ai lu, il y a plein de trucs. Hein. Bon, c'est plus ou moins ingénieux, plus ou moins intéressant. Alors, savez-vous que nous avons l'espion le plus petit du monde ? Ah. Il s'appelait Richebourg. Ah, je crois que c'était suppositoire. 58 cm de malice. Il officiait pendant la Révolution et on le déguisait souvent en enfant pour qu'il puisse faire passer des messages. Depuis, personne n'a osé se resservir d'un agent aussi petit. Sauf Fort Boyard et Passepartout. Oui, tout à fait. Alors, il y a un type, il savait pas quoi faire, hein, mais il a visité un très grand nombre de zoos. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jonas Livet. Et il a visité 873 zoos dans 47 pays différents. D'accord. Il travaille d'ailleurs dans un zoo, voilà. Jonas Livet, si tu nous entends. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de tes vacances ? Bah, j'ai été visiter un zoo. Ouais. Mais si tu savais où. Alors, nous à mon cuc. Oui, voilà. Et nous détenons donc le plus gros AK du monde. Ouais. Hein, en attendant de gagner la Coupe du Monde. Alors, c'était organisé à Brive par la marque automobile Mazda. Et ce grand AK a réuni plus de 4000 personnes, pulvérisant ainsi le record détenu jusqu'ici par les Néo-Zélandais, qui étaient à peine 3300 personnes. Cocorico, les Français. Ouais, c'est tout, vous n'avez pas fait beaucoup, finalement. Oui, on pourrait faire beaucoup plus. Ouais, hein. Non, mais je veux dire, les Néo-Zélandais, en plus, le AK chez eux, quand même. Oui, c'est une institution, ouais. Bah ouais, hein. C'est ça. Alors, parlons à présent du couple qui s'est marié le plus tard. À votre avis, avec quel âge ? 100, 200 ans. Une centaine d'années. Est-ce qu'il y en avait un qui était déjà mort ? Alors non, ils étaient tous les deux vivants. C'est vrai qu'on en rigole, mais t'as le droit de te marier sous certaines conditions, de manière posthume. Hein. Alors quoi, centenaire ? Ah bon, t'as le droit de te marier après ta mort ? Je savais pas. Non, la personne qui voulait se marier avec toi, si t'avais, en fait... Je suis déposé en fait, les bons, là. Ah, bon, voilà, et qu'il est mort, ou trouvé. Elle est morte entre-temps ? Voilà. Ah, d'accord. Mais il faut que le président de la République soit d'accord. Ah, voilà. Oui. Donc si tu te fous de sa gueule, si tu te moques de lui, il va te dire non. Hein. Bon, elle était... Comme quoi, faut être toujours en bon terme avec un. Voilà, un... ne le prenez pas pour un con. Non, bah ils avaient pas, ils avaient un peu moins de 100 ans, mais bon. Parce que ça aurait presque. Pu être aussi pour sceller ce genre de choses. Oui, alors il s'agissait de François Fernandez et de Madeleine Francino qui se sont dit oui alors qu'ils avaient respectivement 95 ans et 94 ans. Alors je suppose que soit ils avaient passé beaucoup d'années ensemble déjà, hein, ou alors en tout cas la promesse jusqu'à la mort, ce que la mort vous sépare, c'est bien plus facile à tenir que jusqu'à quand on a 30 ans. Hein, quand même. Bah ouais quand même. Hein que, oui, vu comme ouais, ça, c'est là. Plus sympa. Ouais. Ouais. Alors on a aussi le record du mec qui mange le n'importe quoi. Hein, le plus de n'importe quoi. Alors Michel Lotito, hein, c'est un grenoblois aussi connu sous le nom de Monsieur Mange-Tout. Hein, il mange même ce qui a priori ne se mange pas. Hein. Ainsi, il se serait nourri dans sa vie de 18 vélos, 15 caddies, 7 télévisions. Hein. Mais, 7 télévisions, vous savez, les anciennes versions cathodiques. Hein. Les ampoules. Je te dis pas, ouais. Ah, puis alors, je te dis pas l'écran. Hein. Waouh! Voilà, sinon on a celui qui s'amuse à faire des longs trajets en roller ski, hein, c'est la passion du français Gérard Proto, hein, qui utilise ce moyen de locomotion. Gérard Proto. C'est un sacré type. Donc il utilise beaucoup ce moyen de locomotion et qui est aussi appelé skirou. Il a ainsi visité 2783 kilomètres de territoire sur cet engin entre Oslo et Gretz. Alors, Oslo, je sais où c'est, mais Gretz... C'est pas près d'Armainvilliers, un truc comme ça ? Ah, peut-être. Gretz-Armainvilliers, peut-être. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Alors, disons que ça me dit quelque chose. Tu pourrais me dire que c'est à côté d'Alger, je te dirais oui. Est-ce qu'on passe par tous les autres villages qu'on a cités Alors, savez-vous combien mesure la plus grande chaise pliante du monde ? 25 mètres d'eau. Non, beaucoup plus petit. Ah, je... Bah, alors attends, la plus grande personne fait entre 2 et 3 mètres, donc on n'a pas besoin de plus haut. Ah, il y a de l'idée. Moi, je dirais 4 mètres. Ouais, allez, 4 mètres 22 de chaise, et fabriquée par Intermarché à Bandoufle dans l'Essonne. Moi, je suis un peu con, je voyais trop grand. Hein. C'est après, bon, à quoi tu vois 4 mètres de long, ça sert à quoi ? Personne ne fait 4 mètres de long. Ils ont voulu pulvériser hardcore, là aussi. Oui, bah oui, non, mais c'est comme tout, c'est con. Voilà, mais on est français, hein, on l'est pas. Oui. Ah ouais, quand faut qu'on assume. On est con. Alors, le plus grand steak du monde, à votre avis ? Mesurer combien? Combien mesurer la plus grande vache? La bavette de 3 kilos. Alors peut-être qu'ils ont utilisé plusieurs vaches, je ne sais pas. Hein. Pour moi, ils ont utilisé plusieurs vaches, ouais, plusieurs. Ah. Ça dépend s'il a été haché, recomposé ou si c'est un morceau. Ah ouais. Parce que quand vous faites genre la pizza ou le sandwich sur le plan du monde, oui, c'est du recomposé, donc on peut y aller quoi. Ouais. Je saurais pas te dire, je me connais pas assez en boucherie. 2,50 m. Ah non, c'est beaucoup plus. Ah donc ça doit être un steak haché recomposé. Oui, parce que le bestiau, tu peux l'ouvrir. 25,32 m. Ah, 25 mètres, 27 mètres, pardon. Ah. Alors, c'est Jean-Yves Renard et ses amis bouchers hein, qui ont fait un steak de 27 mètres. Ils ont fait ça avec un intestin. En 2002. Et c'est pas battu depuis 2002. Apparemment, non. Eh ben. Ah, si, ça peut vous donner des idées. L'utilité du truc. Oui, hein. Ouais. Attends, mais attends, la suite est encore mieux. Hein. Le plus grand nombre d'ânes attelés ensemble. Oula, ça, c'est nous. Hein. Ça c'est quand à l'école on dit de donner la main à tout le monde et qu'il y a beaucoup de gamins dans l'école. Alors à votre avis ils ont fait une queue leu-leu de d'âne de combien? Oula, une quinzaine. Attelé hein. Attelé 542 mètres. Non, c'est le nombre d'ânes. Ah, alors 542 ânes. Non, beaucoup moins. Moi je dirais une quinzaine. C'est des petits joueurs. Je sais pas. 122. Un peu moins. C'est vraiment des petits joueurs, hein. 92. Allez, 66. C'était encore ouais. moins. Ouais, c'est, et c'est vraiment, vraiment des petits joueurs. Hein. Ouais, bah, à voir comment se comportent les ânes une fois qu'ils se sentent comme ça. Écoute, peut-être que les Français s'ennuyaient et qu'ils voulaient battre un record parce qu'avant, c'était détenu par les Espagnols. Ah. Oui. Bon, maintenant, nous avons le record. Il fallait mettre au moins une plus, comme je disais tout à l'heure. On en fait un petit dernier? Ouais, et mais justement, c'est la dernière, tu tombes bien. Et la personne la plus vieille du monde, hein? Vous en rappelez de ça? Alors, on avait parlé de Jeanne Calment et voilà. qui a été dépassé. Non, il n'est pas. Oui, mais c'est le plus grand record français. Ouais. Officiellement, il n'y est toujours pas. Donc, oui, je pense que oui, c'est toujours la plus. Alors, mais non, ça doit dater, je pense aussi, parce qu'il y a eu des Japonais entre temps. Non, c'est toujours 122 ans. Et justement, il y en a qui ont émis une théorie, un doute. Sur l'âge qu'elle avait. Ouais. Non, c'est sur son nom Calment que. Ouais, non, mais quand on s'appelle Calment, oui. Jeanne Calment, tu nous endors. Mais oui, voilà, elle est morte à 122 ans. Hein. Ouais, et quelques mois, je sais plus. Oui. D'accord. Elle a enterré ses générations futures à Bangor. Ouais, oui, c'est ça. Elle a dû enterrer des enfants. C'est la personne à qui il faut pas acheter. À qui il ne faut pas acheter la maison en viager. Oui, exactement. Sinon, là, t'es mal. Hein. Voilà, donc, écoutez, moi, j'ai bien rigolé en trouvant tout oui, ça. Oui, c'est très chouette. Ouais, c'était sympa, ouais. C'est ça. Bah, on va écouter Alissa Bernal, Call, Call, Call. Non, c'est, pardon, Cali, Cali, Cali. Ah, c'est Cali. Ouais, c'est un I. Oh, je vois un L. Non, mais il voulait qu'on l'appelle au 09 70 407 306. Hein, c'est pour ça, en fait. Hein. Ouais. Ah ouais. En tout cas, c'est sur Indestar. Cali, Cali, Cali, California. I won't forget that day. there is some hope. Realizing I'm the only one who's got enough power to save my soul. But mama, I swear to you, when I get there, everything's gonna be better. But it's still a thousand miles away from home. Wanna hurry up and get there. Texas heat, it drives me crazy. But it don't matter, cause in my mind, Cali, Cali, Cali, California, I won't forget that day. The sunlight opened my eyes, first kiss on the beach was like paradise. Cali, Cali, Cali, California, I won't forget that night. The palm trees swinging above, one touch and a needle with California love. Texas heated chest. Avenger, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Je sais même plus quoi dire en fait là. Bah en fait, comme c'était le dernier jingle de l'année, j'ai voulu offrir une boîte de chocolat, c'est tout. D'accord. Et ben moi j'ai eu le plaisir d'avoir mon fameux Antoine dont je m'occupe depuis quelques temps qui a eu un accident là. Donc normalement demain c'est le dernier cours. Et ben aujourd'hui il m'a offert une boîte de chocolat pour me remercier. C'est adorable. Terriblement touché. Ouais, non mais c'est adorable, c'est gentil en effet, ouais. Ça veut dire qu'il passe de bons moments avec toi finalement. Que tu enseignes bien ta matière. Trois c'est mois, ça. C'est vrai, à se voir tous les jours, ça nous forcément des liens. Bah oui. De toute façon, on va prendre des nouvelles. Hein. Oui, complètement, oui. Complètement. Quand il sera prêt, tu pourras l'inviter à venir ici. Oui, mais c'est vrai que là, autant les médecins disent qu'il faut retourner à l'école, ouais. Autant il tient pas longtemps, ouais. Pas longtemps ouais, debout. Ouais. Hein. C'est encore pas facile. C'est pour ça que je disais quand il sera prêt. Oui, voilà. Mais tu vois, il sait ce qu'on fait aussi. Il écoute des fois un peu en direct ou des fois il revient voir le podcast. Mais il aime bien regarder Twitch en fait. Hein. Et là, ce soir, avant que je parte, il me dit bonne émission de radio ce soir. Ah oui, tu m'étonnes des liens comme ça tous les jours pendant trois mois. Ça se crée à force. Oui, complètement. Daniel, ce soir, c'est toi qui nous as préparé le petit jeu. Oui, alors on verra suivant comment on est reposé ou pas. Ce qu'on fera. Ouais. Et alors l'idée c'est, j'ai pris des films, j'ai ciblé une scène, ouais. Donc je vais mettre dans l'ambiance, et l'idée c'est d'inventer une suite complètement dingue d'accord. À la scène. Alors j'avais parlé de Mister... Une suite à la con. Une suite à la con, voilà. Ouais, on peut une suite à la con. Là on a des spécialistes ici pour ça. Hein. Oui. Tout à l'heure on a parlé de Mr. and Mrs. Smith. Oui. Donc, comme on dit, expliqué, ils sont mariés, ils sont tous les deux acteurs à gage professionnels, travaillant pour des agences différentes et concurrentes. Mais là où réside toute l'astuce du film, c'est que il y en a aucun qui connaît les vraies activités de l'autre. Pour l'autre, c'est toujours ils connaissent la couverture, mais pas celui-ci. Alors moi, j'ai choisi la scène du repas. Ouais. Donc, ils viennent de. Donc, John est interprété par Brad Pitt, en fait, et Jen par Angelina Jolie. Et ils viennent de découvrir tous les deux que finalement, l'autre travaille comme tueur pour une agence concurrente. Et l'un et l'autre sait qu'il doit éliminer le mari ou la femme. Hein. Et Jen a préparé un repas. Alors, ça commence donc avant le repas dans la cuisine où John. Il a peur, il voit des produits détergents de sortie en plein milieu de la cuisine, donc il a peur d'être empoisonné. Ouais. Alors, il s'arrange pour pour vider les verres. Voilà, ouais. C'est ça, ouais. Alors, il essaye de détourner la conversation en disant « Mais je croyais que tu sortais des bougies pour une grande occasion. » Et là, John répond « Mais c'est une grande occasion. » Alors, donc, durant tout le repas, c'est un jeu du chat et de la souris. Alors, je ne sais pas si vous allez vouloir faire un jeu du chat et de la souris. Alors, par exemple, dans le film, Brad Pitt cache un couteau dans sa veste. Alors qu'on voit un peu plus tard que Angelina Jolie elle sort un couteau de sous son tablier. Donc tu vois, ça. Ils ont les mêmes idées. Ouais, c'est ça. Voilà, ils ont tous les deux exactement les mêmes idées. Brad Pitt, alors roast beef haricot vert, roast beef, la viande préférée du mari. Et elle veut pas de haricot vert et puis elle lui dit si, t'en mangeras. Donc là, tu te poses des questions, est-ce que les haricots verts sont empoisonnés? Oui, oui, oui. Voilà. Bonne ambiance, hein. Voilà, c'est ça. En fait, le duel commence. Alors, ça peut être un duel. Moi, j'ai imaginé quelque chose. Je sais pas si quelque chose vous vient à l'esprit, là. Non. De ce qui pourrait se passer. En fait, moi, j'ai imaginé un repas avec le nom des plats qui entretiennent la confusion. Ah, des noms ambigus. Des noms ambigus. Voilà. Comme quoi? Alors, par exemple, en apéritif. Alors, il y a un cocktail qui s'appelle le Painkiller, ou alors t'as le Bloody Mary. Mmh. Ah oui. Voilà, et donc c'est comme pas, ça. C'est pas mal, ça. Mais même une sauce tartare, ça dépend si tu évoques l'histoire des tartares ou je ne sais trop quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être. Et justement, j'ai pensé, il y a une histoire de tartare, un tartare de couteau, donc le fruit de mer. Oh, oui. Voilà. Ah oui. Oui, oui. À l'avocat, parce que. Le plus dur, c'est de glisser la crème entre les couteaux. Donc, la tartare de couteau à l'avocat, parce que on pense derrière après se faire défendre parce qu'on a fait un meurtre. Hein. Mmh. Voilà, donc, en Angleterre, en anglais, c'est l'avocat qui plaide, c'est attorney, c'est ça, c'est pas avocat, mais en français, c'est l'avocat. Oui, attorney, hein. Barrister et compagnie. Lawyer, voilà. Non, c'est pas lawyer. Alors, lawyer, c'est en général l'avocat de loi. Alors, la viande, j'ai trouvé quelque chose. Fromage, j'ai pas pu trouver. La viande, j'ai trouvé quelque chose. Mais en légumes, j'ai coincé. Bah, en fromage, si tu mets un fromage bien qui a. Alors, il y a la. Que t'as laissé longtemps, mais bon, ça va peut-être se sentir. Mais à la limite, il y a l'histoire des fromages corses de Astérix en Corse qui explose. C'est quoi un fromage corse? À la limite, hein, on peut. Soyons chauvins. Mais tu peux peut-être tuer quelqu'un avec de la nourriture avariée, je sais pas, mais ça sent peut-être du coup. Oui, avariée, ça va sentir. Il faut y aller justement encore avec des lames ou des lamelles, du haché de quelque chose. Enfin, il faut peut-être les textes. Pas les textures, mais le. Comment ça s'appelle ça? Le fait qu'un morceau soit entier ou haché ou je ne sais quoi, c'est le. Eh ben, c'est la texture, si. Oui. Si, bon. Si. Alors en viande, j'ai pensé à des aiguillettes. De poulet. Oui, ben oui. Oui. C'est pas mal, ouais. J'ai pas trouvé de légumes. Mmh. Ah, bon, voilà. Je me suis dit que pour accompagner, ils avaient un pain au châtaigne. Ouais. Ah, et en dessert, une pêche melba. Ah oui. Ah, oui. Ah, ça, voilà, pour un repas ambigu, je pense que c'est. C'est pas mal, ouais. C'est ouais. Pas mal. Mmh. Mmh. J'ai choisi aussi un deuxième film qui s'appelle Showtime. Oui. Hein ? Je connais pas. On en a parlé. Oui. Ouais. C'est l'histoire d'un vétéran de la police de Los Angeles, Mitch Preston, qui est interprété par Robert De Niro, et qui, lui, sa seule ambition, c'est de poursuivre son métier qu'il adore et qu'il exerce avec sérieux, avec vraiment... passion. Passion depuis c'est plus ça. De 20 ans. Et va arriver dans sa vie, mais plus tard, parce qu'en fait, la scène, c'est une scène du début du film que je vais prendre, mais quand même pour poser le décor, va arriver un certain Trey Sellars... qui est interprété par Eddie Murphy. Voilà, donc Eddie Murphy, bah, je vous présente pas le genre de rôle qu'il a. Voilà, qu'il a. Et donc, évidemment, lui est là pour foutre le bazar. Par exemple, une nuit, il sabote carrément une enquête de plusieurs mois qui devait permettre à Mitch d'arrêter un gang de trafiquants. Oh, le con. Et suite à ça, c'est pour ça que ça s'appelle... voilà, c'est le con, ouais. T'as bien fait de rappeler qu'il y a une histoire de con encore là-dedans. C'est ça. Hein. Et cette affaire, bon, crée tellement de problèmes avec la ville. Et il y a une productrice d'émission télé qui s'appelle Chase Renzi qui a une idée. Elle impose, pour ne pas réclamer des dommages et intérêts enfin, à la ville, elle impose à la ville de mettre, de faire une télé-réalité sur la vie de la police de la ville de... Avec toutes leurs conneries, alors. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc de Los Angeles. Donc, bah, voilà, il se revient, on a Robert De Niro qui est un peu le flic bourru avec Eddie Murphy, Trey Sellars, qui est le flic... qui fait tout capoter, quoi. Voilà, et qui en rate pas une, hein. Mm. Donc, alors, là, c'est la scène vraiment de début dans la classe, dans une classe d'école primaire. On a Robert De Niro qui explique ce qu'est la vie d'un policier, bah, que c'est pas ce qu'on voit à la télé, qu'en fait, il passe son temps à faire des enquêtes, à résoudre des crimes, à assister aux audiences, et que si tu veux faire fortune, bah... D'accord. Ah, voilà, c'est ingrat, c'est dur, c'est... Et il a une phrase. « Si vous violez la loi dans ma ville, je ferai tout ce que je peux pour vous traquer et vous mettre derrière les barreaux. » Ah, il rigole pas, le type. Hein. Non, il rigole pas. Alors, l'institutrice essaye de dérider un peu la situation. Et... Voilà. Dans le film, bon, bah, les élèves restent bouche bée, mais là, que peuvent dire les élèves, finalement ? Bah, nous, on fera jamais de crime, hein ? De délit. Non, ça serait... Non, franchement, non. Non, justement, il faut faire le contraire. Ah, oui. Monsieur, j'ai volé le goûter de mon copain, je fais quoi ? Ça pourrait être ça, oui. Ça pourrait être ça. Alors, moi, j'ai imaginé un gamin qui demande s'il dévalise un distributeur de billets pour donner de l'argent à ses parents qui sont au chômage, si ça constitue un crime pour se retrouver derrière les barreaux. Ouais. Voilà, donc là, je vous donne une idée. Ça, non, ça vous donne pas... Bah, voler les riches pour donner aux pauvres. Voilà, c'est un peu Robin des Bois. Oui, c'est un peu Robin des Bois, ouais. Monsieur, j'ai tué mon grand frère qui me faisait chier. Voilà, ça pourrait être ça, oui. Est-ce que, voilà, vu qu'il m'emmerdait, est-ce que je peux avoir des ennuis? Monsieur, j'emprisonne ma peluche dans ma chambre. Si la chambre a des barreaux, pourquoi pas? Ça sent le vécu. Va falloir qu'on discute. Et il est suffisamment con pour l'avoir avec vous à l'antenne en plus. Hein, ça, c'est beau quand même. Hein. Ah, j'ai pensé aussi qu'une gamine qui veut savoir si on a le droit de braquer une pharmacie pour soigner son petit frère. Oh, c'est mignon ça. Oh, c'est adorable. Ouais. Comment veut dire le petit non, pour ça... avoir droit au pansement avec les petits dessins. Non, pour avoir de la drogue. Par contre, j'ai une idée. Il y en a un autre qui a de l'ambition. Hein. Ouais. Ouais. Il voulait devenir Al Capone, mais il se demande si le policier sera d'accord ou pas finalement, hein, parce que ouais, être le nouveau Al Capone, ouais. Ouais, il sait pas trop, hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. Vous voulez un autre ou... Bon, un petit dernier, oui. Ouais. Oh, qu'est-ce que. Ouais. Bon, on va le faire. On va faire une petite simple. C'est plus pour parler du film que j'adore. D'accord. Qui s'appelle L'Enquête Corse. En fait, c'est dérivé d'un livre, hein, d'une histoire. À coup de Clémentine. Peut-être. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Oui, il y a du soleil en plus. C'est exact. Hein. C'est l'histoire d'un détective, Jack Palmer, qui a pour mission de retrouver un certain, donc qui est interprété par Christian Clavier, de retrouver un certain Angelo Leoni, qui est interprété par Jean Reno. Ouais. Voilà, donc il est recherché, c'est un caïd, un indépendantiste recherché par toutes les polices de France. Et donc il cherche ce détective pour lui demander de remettre à Ange Léoni donc, un titre de propriété issu d'un héritage. Donc évidemment, bah, c'est une astuce des RG, des renseignements généraux, pour, qu'on appelait les RG à l'époque, qui s'appelle plus comme ça maintenant, pour essayer de le coincer. Alors, il y a tout un tas de scènes assez extraordinaires. Je vais... Et quand les RG n'arrivent pas à coincer, ils se retrouvent Tintin ? Ça peut être ça. Ça peut. Ça peut être ça. Alors, j'aurais pu prendre la scène du bar où... bon, qui est assez extraordinaire, avec une chute assez extraordinaire. Mais finalement, c'est juste petit, un petit truc. Donc, le grand-père de Ange Léoni vient de décéder. Il faut descendre. T'es toute la famille à Corse, là. Voilà, il y a toute la famille qui se réunit. Donc, bah, là, il est là, et puis... Bah, les pleureuses. Voilà, là, et puis toute la famille est là. Donc, bah, Ange, il est obligé de venir. Donc, les flics, les renseignements généraux savent qu'il est là. Et à un moment donné, il bah, faut qu'il parte. Alors, il... Donc, il y a... à Jack Palmer, à Christian Calvier. Bon, il y a que toi qui peux descendre, parce que là, le jour du, où on s'est fait célèbre le décès, bah, où on se recueille, personne ne peut sortir du village, partir. Mais moi, je suis obligé, parce que sinon, les flics vont m'attraper. Mmh. Donc, tu vas prendre la voiture, je monte dans le coffre, et on va passer comme ça les barrages. Christian Calvier, il a les pétoches, mais finalement, bah, il n'a pas le choix. Hein. Mmh. Et puis, bah, à un moment donné, il y a une scène, il arrive sur un pont. Et là, bah, il est coincé sous le pont, les flics d'un côté, les renseignements généraux de l'autre. Il n'a pas trop le choix. Donc, bah, que se passe-t-il? Il sort les ailes de la voiture. Ah, ça serait pas mal, ça. Mmh. Ouais. Mmh. Moi, je dis toujours ça quand je suis dans les embouteillages. Sors tes ailes! Ouais. En plus, les flics sont pas sympas, ils devraient être là pour arranger la circulation. Et ben non, ils le font pas. Non? En plus, les ailes pour sortir du pont, ça serait pas mal. Ouais, là, tu t'envoles, ça. Ça serait pas mal. Ça aiderait pas mal, ouais. Ouais. Ouais, non, mais oui, alors. Donc, bah, alors, en vrai, évidemment, donc, bah, ils se précipitent, parce qu'ils l'ont surveillé, ils savent qu'il s'est mis dans le coffre. Ils ouvrent le coffre et. Il n'est pas là. Bah, il n'est pas là, ouais. Ouais, mais ça se passe trop simplement. Donc, moi, je me suis dit que ça aurait été quand même sympa qu'il fasse un truc, que le détective Jack Palmer panique. Fait n'importe quoi, emboutissent les voitures. Ah oui, oui. Alors, en coinçant le coffre. Mmh. En... Mais ils n'avaient pas le budget, peut-être. Ah, peut-être pas. Enfin, si c'est pour abandonner sa voiture au milieu de la rue. Quel est le con qui a fait ça? Quel est le con? Par contre, si j'avais su que c'était quelqu'un de célèbre qui avait fait ça dans ma rue, je pense que ça a peut-être bougé en pleine nuit. Et je me suis dit que ça aurait été sympa que, bah, ils mettent un certain temps à ouvrir le coffre. Et pour bah, s'apercevoir que finalement... Parce que c'est pas un coffre qui s'ouvre avec une clé, mais avec une combinaison de coffres. Eh bien écoute, je verrai ce film, je l'ai jamais vu moi, mais il doit être pas mal. Ouais, je l'ai en DVD. Hein. D'accord. Voilà, c'est éventuellement, voilà. Et t'as sur le menu de présentation, t'as la présentation, t'as le menu Corse et le menu Continental. Donc, c'est marrant ça, oui. Voilà, t'as deux façons de le présenter. Voilà. D'accord. Juste histoire de se trouver un côté impossible, délirant, ouais. Bah, un peu fun. Mais en tout cas, tu donnes des pistes. Alors, je sais pas si c'est pour faire une émission spéciale impro ou autre chose, mais tu donnes des pistes de choses à faire. Voilà. Et puis peut-être que j'en repriquerai parce que je rappelle que j'aimerais bien faire ma web série avec Jane Bond. Oui. Ouais, mais en tout cas, avec tes expériences de cinéma et les contacts que tu as, ouais. Et le début de clips qu'on commence à faire. Enfin, oui, on peut commencer à faire des choses. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il faut oser. Mmh. Il faut oser. Et vous avez jamais fait une émission impro ? Improvisation ? Bah, en partie, il y a des passages impro, parce qu'il y a des histoires que l'on crée qui commencent sur un scénario et qui finissent improvisées, comme tu as pu le voir. Là, on a eu de l'impro ce soir aussi. Quand j'ai commencé sur Indestar, et je crois que tu étais déjà là dans PK Venture, le mardi soir, il y avait du théâtre impro. Oui, c'était Clément qui faisait ça. Ah, d'accord. Ouais, l'émission s'appelait J'ai vu de la lumière. Je sais qu'il y a toujours des podcasts disponibles sur le site. Ah, bah écoute, j'irai voir. Ah, voilà, donc voilà, il y a ça de. De disponible en un début de scénario, des bruitages, des indications, ouais. Et hop, les gens se lâchaient. Ouais, bien. C'était ça, oui. C'était ça. Là, on s'est lâché. Ouais. Pour la dernière, oui, on s'est lâché quand même. Ouais, c'était notre cadeau de Noël, la surprise, l'émission impossible, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on fait d'habitude, ça n'a rien à voir, mais on aime bien. Un condo de Noël. C'est ça. Mais on aime bien. Il y en a, si j'ai bien compté, il y en a au moins deux autres de prévues un peu délirantes comme ça. Mmh. Et puis par rapport à celles qui sont prévues, peut-être qu'on changera des projets. Ça marche. Bah, à partir du moment où ces émissions décalées, on décalera des choses. On décalera notre cerveau. Déjà qu'on est décalé, nous, alors je te dis ça. Pas. Ouais. Alors, je vais quand même redire un petit mot. On a été très contents que tu sois en stagiaire parmi nous. On espère te revoir. Eh ben écoute, la réciproque est pareille. Hein. Ben, c'est gentil, ça nous fait plaisir. C'est sympa, ouais. J'ai beaucoup appris et j'ai bien aimé. On a passé du bon temps ensemble et c'était très bien. Merci à vous trois. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.